Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 26e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Yes sir! Ben oui. Ça va très bien. Hey, checkez ça les gars, on avait parlé toute la semaine de... qu'on avait trouvé... On avait le cinquième micro. On a un cinquième micro. Mais là j'ai trouvé un bel animateur, un beau chroniqueur. Il vient... Ben, il vient pas complet dans la boîte parce qu'il y avait pas le manuel. J'ai trouvé ça sur une page de revendeur de marde, de trucs de revendeur. J'avais joué à ça, ouais. Genre, ou genre le Wii Fit Trainer Amiibo. Ouais. J'ai décidé de prendre ça. Là, j'ai passé une commande sur Vidéo Game Box Protector, voir si je peux trouver un plastique protecteur assez grand pour. Fait que c'est pas dans mes habitudes de déballer des animateurs. Ben non, Krim, c'est une première. Mais là, pour nos fans, on va le déballer puis on va faire attention à la boîte. Allons-y. Alors, quel est cet animateur magique? Allons-y. JF. Oh! Benoît Gagnon est avec nous. Yes! C'est un show en maudit. Ils m'ont brassé assez aux douanes. Là, ça ouais, c'est clair. Fallu Taïwan, payer des douanes, Montréal, hein? C'est loin en tabarnouche. Hey, ça va? Ouais, vous autres? Mais hein, que ça va? T'as très bien. Très content d'être avec vous autres. Ben yes, sir. Mais hein. Fait que nous autres, on était chez Bruno cet été, puis on chillait un max avec... On pitchait des peanuts, les enfants. Exact, c'est ça. La belle vie. Fait que là, on s'est dit... comment est-ce qu'on s'est dit ça, non? On s'est dit, on trouve qu'il y a pas... Il y a un manque dans le rétro, dans notre nouvelle mouture de rétro nouveau. Exact. On savait que Ben aussi nous écoutait beaucoup. Exact. Puis même au moment où le fameux Nick Chalifou s'est essayé avec Rétro Nouveau. Faut pas te dire son nom. Non. C'est pas grave. Ouais. Nick Chalifou, en tout cas, on avait eu quelqu'un qui s'était essayé à Rétro Nouveau. Là. Oubliez ce que vous venez de dire. Ben non, il y a un épisode avec lui. Ben oui, il y a un épisode avec lui que les gens ont entendu. Mais anyway, on s'était dit, ça serait le fun d'avoir un gars rétro. Puis moi, dans ma tête, dans la tête de Dom, c'était comme Christy, Benoît Gagnon, ça serait vraiment... C'est un gars qui connaît son stock. Exact. Puis dans le rétro, c'est le fun d'avoir quelqu'un de passionné comme ça. Donc, on se disait, ben, crime. Moi, j'ai pas une aussi grande culture de gaming que vous. Moi, c'est une des choses qui m'impressionne quand je vous écoute. Là, c'est parler à tel développeur, tel. Moi, j'ai pas ça, mais je suis un enthousiaste. Oui. Ben, ça, c'est comme, OK, je vais triper sur un jeu, généralement. Tu me donnes n'importe quel jeu, je vais triper. Même les jeux de Sully Bay. Oui. Même chose à FM, les jeux, ça m'importe. Mais c'est ça qui est un peu, mais c'est nous autres, on a plus d'enthousiasme. On est un peu blasé. C'est ça que la psychiatre m'a dit de faire, en tout cas. Fait que là, dans le fond, toi, tu vas venir parler de rétro ici. Ouais. Quoi, tu peux parler de nouveau aussi, ça te tente, là. Tu sais, t'as le droit de faire ce que tu veux. Fait que ça va couvrir un peu de rétro. Ah, je vais faire ce que je veux. Okay. Fait que là, tu vas venir aux deux épisodes, c'est ça que j'ai compris? Ouais. Ça va être ça, la routine. Fait que voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez fait une surprise... Ah ouais? Nice. Je l'écoutais. Donc, c'est-tu un sac de ces nouvelles croustilles au gratin et des chinois? Non, comment c'est... Comment t'as fait de savoir que je pensais à ça tout ça? Celles aux beans, là, qui ont l'air vraiment franchement dégueulasses. Ah, ils en ont fait aux beans? Ouais. Fait vos lards, je pense. Ah oui, c'est vrai. Wow! Cauchemar en sac. Ah, ben c'est cool. Fait que bienvenue parmi nous. Merci. Puis, ça va être pas mal trippant. Oui, monsieur. Yes. Puis là, toi, il y avait un gars qui voulait qu'on signe une cassette. C'est ça. Ça fait longtemps. L'excellent Sébastien Petitpas, qui habite, ma foi, très loin. Où est-ce qu'il habite? Donc, il me semble qu'il habite dans le coin de cette île. Michael Larouche pourra confirmer s'il est dans le chat. Oui. Ils se connaissent, il me semble. Fait que c'est ça, ils m'achètent des jeux de temps en temps, j'échappe ça là-bas. Ils passent des grosses commandes, pareil. Ouais. Fait qu'un gros consommateur. Puis là, il m'a dit la prochaine fois que t'as une Rush and Attack au NES comme Rush ça, j'aimerais ça vous la signer parce que c'est genre votre première critique rétro nouveau du premier épisode. C'est vrai ça. Fait qu'il voulait avoir un souvenir. Wow. Fait qu'il nous a demandé si on pouvait la signer live d'ailleurs. Bien certain. Fait qu'on va la signer. Oui, monsieur. Là, c'est un jeu ça à 5-10$. Seb, on va se permettre de signer par-dessus le label aussi parce que là, il manque de place. Ça va juste faire plus beau. Ouais. Ça va faire hot. Je te le dis, Seb, présentement, elle est pas mal belle, la cassette. Ouais. T'as le temps de changer d'idée. Et là, pour ceux qui savent pas, pour enlever du marqueur sur un card de NES, tu peux prendre un effaceur magique de Monsieur Net. Okay. Ah. Il faut faire attention parce que ça s'enlève. C'est abrasif. L'effaceur magique de Monsieur Net. C'est pas, il y a comme un gag qui me vient en tête. Ben, en tout cas, c'est ça pareil. Puis il s'enlève un peu de la texture du card. Ouais. Fait que c'est ça. Mais là, tout ce que je voulais dire, c'est que ça marchera probablement pas vu la puissance de mon feu. Fait que non, tu vas être pogné avec certain. Ça sur ton corps. Sans puissant, le feu. Ouais. Ça, oui. Ça fait personnage mafieux, douteux. Ouais, exact. Je suis l'effaceur magique. Hey, c'est beau, ça. Ouais, ouais. Dom est en train de te faire un gros, gros papa cassette. Super trash. Ouais, vraiment. Ouais, j'aime ça quand c'est sale. T'aimes ça quand ça fait Skate or Die, pas mal. Oui, toi. Oui, c'est ça. C'est la signature, là, c'est pas mal dans le genre. Tu sais, si on était en l'an 3000 et qu'on pouvait comme injecter dans les cerveaux des humains tout ce qu'on veut, genre, t'es capable de faire tous les arts martiaux du monde, ouais. Je suis capable de lire un dictionnaire en 2 secondes, ça moi, serait ça serait ça. Écrire en Skate or Die. Tout le temps. Je sais pas comment ça s'appelle, ce style-là. Hey. C'est tout et tout le temps radical. Ouais, ouais. Ça serait. Ça s'en va tout le temps en fuite. Ouais, ouais, c'est ça, c'est tout le temps un point de fuite. Ouais. Write or die. Liste d'épicerie, des mots dans l'agenda du bébé. Eh ouais, si il n'est pas sur les bons, ça marche pas. Fait que tu vois un barbeau, là. C'est, c'était moi, ça. Ok. Okay. On peut signer à l'ando. Ouais, ouais, ah, à l'ando, ok. Alright. On va signer ça. Toi, t'as signé. C'est fantastique. Ouais, mais c'est devenu un genre de gros blur. sur Jeff, t'as signé. C'est le coin en haut, là, l'autre bord. Ok. Good. Moi j'ai écrit papa cassette, mais c'est ça, j'ai pas de signature officielle. Fait, c'est pas comme Bruno là, qui fait des bonhommes puis des dessins. Puis, ouais, des becs. Je te fais 3 becs. J'ai écrit en lettre carrée. Moi je sais pas écrire, ça va être un S. Alright! Fait que je vais essayer de crisser ça dans mal cette semaine. Ouais. Ça risque d'être difficile par exemple, Seb, parce que je vais m'absenter du bureau quand même pas mal. Mais sinon, semaine prochaine, c'est sûr que c'est fait. Ça passe en courrier régulier, fait que ça devrait prendre un petit peu plus long que d'habitude, mais ça va se rendre. Ouais. Alors, dans une petite enveloppe, là. Exact. Post-Canada va amener ça. Ah, c'est Post-Canada. Ouais. Ouais, en espérant que t'as une boîte à mal encore ou qu'il n'y a pas quelqu'un ouais. Qui est pour ouais, c'est ça. Que Coder s'est pas rendu jusqu'à là-bas pour ouais. Péter tout. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. M'arrache une attaque! Ah, cibole. Hey, GF! Oui? Grosse nouvelle! Oui, on me glisse à l'oreille qu'on aurait une breaking news. Breaking news! Oh, shit! Dom s'est fait kicker out du CCJVQ! Oui. Internet est brisé. C'est ça qui s'est passé. Ouais, ça a comme brisé un petit peu Internet. Ouais, hein? Ben, en tout cas, ça m'a fait... j'ai eu de la misère à travailler aujourd'hui. Ça a fait de la peine. En très, très vite, ce qui s'est passé, j'ai eu une ultime altercation avec un des administrateurs. OK. Puis, qui, moi, je trouve, et que beaucoup de gens trouvent, qui fait une job épouvantable. OK. Et c'est vrai. De gestionnaire. Puis, tu sais, c'est pas grave. Hein? C'est pas un trou de cul parce qu'il est un mauvais gestionnaire. Ben il aurait peut-être juste dû déléguer la gestion à des gens plus compétents. Cela dit, moi, je suis allé sur la page de CJVQ. Puis là, ces temps-ci, je suis comme un petit peu plus perturbateur. T'sais. Là, j'ai posté directement que j'aimerais organiser une réunion de CJVQ au Fouf. OK. Est-ce qu'il y en a qui viendraient? Hein, qu'en pensez-vous? Là, il est venu me voir en privé. Il a dit « Ouais, là, faut pas que tu poses des affaires demain sans nous le dire parce que blablabla. » Puis là, moi, je dis, ben, man, j'ai entamé le dialogue, pis tout. Puis, fait que là, il a effacé mon post. Puis là, le monde, il est où le post? Puis, là, ça a fait boule de neige. Fait que. OK, fait que vous discutiez, mais en fait, lui, il a considéré que t'avais organisé un événement, là. Lui ne veut pas perdre le contrôle de rien. Parce que, dans sa tête, le contrôle se perd très vite. Alors que c'est fou. Une communauté, ça gère pas mal automatiquement. Mais ben eux, oui. Ils interviennent constamment. En malade. Là. Mais pourquoi comme, c'est profitable, cette organisation-là? Ben, ils ont réussi à faire des cartes d'affaires cette année. OK. Oh. Ça existe depuis 1999. Ah, ben là. Fait que là pour l'argent. Circa puis, 99. Mais c'est qu'aussi, tu sais, des fois, ils veulent être low profile. Puis là, des fois, ils veulent être dans les événements. Puis booste le club, on booste le club. Moi, je suis là pour ça. J'ai très yes! Mais j'ai tout le temps proposé plein d'affaires. Puis plein de monde ont proposé plein d'affaires. Puis ça va nulle part. Fait que voilà. Donc, j'ai reposté sur la page du club, dire bon, ben, vu qu'on m'a. Puis à la fin, il a comme écrit OK, ciao, Dominique, tu peux quitter le groupe maintenant. Fait que là, ça m'a comme. Ah, ouais! Ah, oh! ça me provoque. Pack up your knife and go. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai posté un ultime post, là, tu sais, comme pour laisser une bombe avant de partir. Puis, c'est ça. J'ai dit que je m'en allais, que la vision, c'était rétrograde, puis que ça allait nulle part, puis que j'allais mettre mes efforts de promotion du club sur autre chose. Bon. D'ailleurs, j'ai pris des cartes d'affaires du CJVQ ici, puis je les ai calissées d'invidence. Bon. Fait que je parlerai plus jamais du CJVQ à personne. Fait que, puis là, moi, tu sais, je connais beaucoup de monde dans le rétro, puis j'ai dirigé beaucoup de monde vers le CCJVQ. Ben oui. Puis là, je savais même pas que ça existait avant de te rencontrer. Exact. Puis tout le monde sont venus m'écrire en privé. What the fuck, qu'est-ce que c'est? Parce que mon ultime post, les gens ont eu le temps de le voir un petit peu. Ouais. Là, ça a fait une tornade de marde, man. Mais c'est cool, j'ai eu plein de messages de gens qui, comme, man, on est avec toi, tu sais, c'est n'importe quoi. Ah, ben c'est cool. Parce que t'aurais pu être dans le champ, tu sais. Ça aurait pu. Des fois, on a l'impression qu'on a raison, puis au final, on est tout seul dans notre gang. Ouais, mais laisse-moi te dire que pour avoir tenté le pouls de tout le monde. Puis tout le monde, personne n'est satisfait. Là. Ouais, 80% des gens sur le CCJVQ sont pas satisfaits de la façon que ça cool, se run. Fait qu'il y a un problème. Il n'y a jamais personne qui le dit. Fait que là, moi, en m'en allant, je l'ai dit. Ouais. Là, tout le monde en a profité pour le dire. Fait que là, ça a fait une tornade, man. Bidding, bading. Fait que c'est ça qui est ça. Donc là, en même temps, simultanément, la gang de RetroGamer.ca ont décidé de publier live leur page de collectionneurs, eux autres aussi. T'sais, OK. Comme, en même temps, là, pour profiter de la vague. Là, ils me mettent admin, puis ils mettent du monde admin, puis là, wouhou, tout le monde quitte le CCJVQ, puis s'en va vers l'autre page qui s'appelle Retro Gamers du Québec. OK. Ça s'appelle de même pour l'instant. Allez voir sur Facebook, ça va peut-être changer, whatever. Fait que c'est ça. Donc, il y a comme beaucoup de gens qui ont quitté spontanément, directement le CCJVQ pour aller sur cette page-là. OK. Puis là, à l'heure où est-ce qu'on se parle, j'ai comme 25 notifications encore, 10 messages. 218 membres en ce moment. Ouais, ça a monté. Wow, ça monte vite. Ben oui, ça va super vite. Mon Dieu. Fait que c'est pour dire que ben les gens étaient tannés, puis maintenant avec cette nouvelle page-là, on va pouvoir s'amuser. Puis ça m'a fait quelque chose pareil, parce que moi, je suis sur ce club-là depuis 2008. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je suis là-dessus. Puis quand j'ai fait send, post, en disant que je m'en allais, tu sais, j'y ai longtemps pensé. Fait que j'ai eu des bons moments, j'ai connu beaucoup de gens qui sont maintenant des bons amis, puis je suis très heureux de les avoir, puis ils continuent avec mes amis, c'est merveilleux, puis je laisse le club faire ce qu'il veut, puis dériver comme il veut. Je m'en tabarnak. Fait que voilà ce qui s'est passé. Ben. Bon. Mais j'ai très peu travaillé aujourd'hui, ça m'a épuisé, man. Émotivement, j'ai reçu, j'étais de la communication, puis le monde, le monde qui n'ont pas Facebook dans le jour, ils arrivent à la job, voyons, qu'est-ce qui se passe ici, t'sais, tout le monde capote. Fait que là, réexpliquer au monde, fait que voilà. Ça vous touche pas vraiment nécessairement directement, mais ça a été un gros chapitre dans ma vie qui s'est terminé aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Simonac. J'en parlerai sur la page de Papa Cassette un petit peu plus là. Fait que... Mais là ton gazon est long, puis la mop a besoin d'être passée dans ton local. Hein? Parce qu'aujourd'hui, justement, t'as tellement passé de temps là-dessus que t'as oublié tes tâches quotidiennes. Ouais, la mop, je la passe tout le temps le vendredi matin. Ouais. Quand je suis trop poqué le lundi matin, mais ça, j'aime pas ça arriver le lundi matin, c'est pas ça. Ça, c'est plat. Hey, mopper après les dégâts du. Mais tu sais, les gens font pas beaucoup de dégâts même. Il y a moi qui échappe une bière à chaque soirée que je viens, là, mais. Ah, mais. C'est odeur de bière. J'ai l'air de chialer, mais c'est pas vraiment long. T'es droitier, JF, pas gaucher. Ah, c'est donc ça. C'est pour ça. Alors, voilà. All right. Bruno, t'as une tâche à accomplir, je pense. J'ai une tâche à accomplir. La caméra est sur toi, Bruno. Allez. Oui, monsieur. En fait, on avait dit que pour le plus grand donneur Patreon, Pierre Lapointe viendrait réciter un poème en hommage à cette personne-là. Fait que... J'adore dans quoi tu t'engages. Ouais, c'est le mettre le bras dans le tardeur, là, c'est pas mal là-bas. Faut pas rire. Faut pas que je ris. OK. Donc, le Patreon le plus puissant présentement s'appelle Marc-André Gosselin. On le remercie. OK. Merci. Donc, Channel Pierre. OK. Oh, Marc-André, tu es le lapin vibrant de notre été. Depuis ton support, il nous pousse des ailes, tel un condor. Marc-André, tu es notre forêt enchantée, notre nectar de nid, en réimaginé. Ta bonté est aussi agréable que les Doritos sur notre table. Oh Marc-André, je ne te connais pas, mais tu es sûrement beau. Papa Cassette n'a pu s'empêcher, il t'a sculpté en amiibo. Oh, wow. Man! Wow! Ça fait partie de ces moments de vie où tu dis, ouais, man, hein, lâche tout. J'attends pas être. Je suis content d'avoir vécu ça avec vous autres. Ouais, hein, ouais, hein. C'est fort. C'est trémolo, hein, dans la voix. Ouais. Hashtag poésie. Ouais, hashtag poésie. C'était bien fait. Trending dans le schlag. Ouais, ouais, ouais. Plein de petits cafés qui vont être prêts à t'engager. Eh ouais! Colin! Fait que, en tout cas, vous avez vu? Oui, il respecte, ouais, tu respectes quand même ce que je respecte mes engagements. Puis, écoute, la barre est haute. La prochaine personne. Fait que. Il suffirait juste de 11$ pour, ouais, c'est dépasser. Ça. Ouais, exact, c'est vrai ça. Le Patreon qui s'en va à 11$ va gagner la palme. Ben, moi, je vais mettre 11$ juste pour. Ça va être qui va faire le poème? Si tu réclames. Ouais, moi, je peux en faire un. Hein? Ouais, ouais. Ah non, mais la voix. Ah, la voix? Ben écoute, c'est tout le temps mon préféré, moi, Pierre, en fait. Je pourrais en faire d'autres. Ben, comme on a payé pour Pierre cette année. Ouais. Ben, on n'a pas le choix d'y aller. Ouais, c'est ça. On peut pas le mettre dehors. On a ses droits cette année. C'est la seule affaire pour laquelle il y a eu les moyens là, qu'on a payé. Ben ouais, c'est tout un Patreon sert. Imitation de Pierre Lapointe. Chèque parti. Quand, ah ouais, Papa Cassette a vendu la Killer Instinct. Ouais, c'est ça. Tous c'est les ça. Profits ont été dans. C'était juste pour ça. Il y a des gens dans le chat qui veulent en chanson, Bruno. Fait que j'ai dit au monde que ça va être notre album de Noël cette année. On va la mettre. Là. Ah ouais, c'est ça. Tu t'accompagnes à la guitare, là, parce que toi, tu joues, ouais, la guitare. Ouais, je joue de la guitare aussi. Genre, je chante la pointe. C'est ça, faudrait que je chante la pointe, tu sais. Genre. Marc-André, tu es notre forêt enchantée. Notre nectar de nir et imaginé. Ta bonté est aussi agréable que les Doritos sur notre table. Marc-André, je ne te connais pas, mais tu es sûrement beau. Papa Cassette n'a pu s'empêcher de t'asculter en amiibo. Tu sais, ça prend de la musique en arrière. Style, ouais, ça prend de quoi d'orchestral? Un petit piano bar. Ouais. Ouais. À la mode. Tu sais, la musique à la mode, là. Ça fait longtemps que j'avais entendu ça. La musique à la mode, là. Tu sais, quand des affaires, j'écoute plus, là. All right. Fait que, hey, c'est fait. Ouais. J'ai l'impression que je viens de faire du streaking devant la polyvalente. Okay. Ah, la référence old school. Ouais, ouais, ouais, ouais. Voilà. 989 forever. Fait que maintenant oui, marqué dans ton agenda déjà. Ouais. Check. Bon, fait que sur ce, on, oui, va embarquer sur des critiques. Oh, ouais. Oh. Oui, monsieur. C'est même toi qui commence. C'est même moi qui commence, tabarnouche. Aucun break. C'est ça. Ouais, c'est ça, ça va me donner un break. OK, ben à soir, moi, je vais vous parler de Shantae's Risky's Revenge. Voilà. Director's Cut. Parce que Shantae's Risky's Revenge, en fait, c'est un jeu de DS. C'est un vieux jeu. C'est un DSiWare. Oui, c'est un DSiWare. Pas disponible en copie physique. Exact. Parce que la copie physique coûte super cher. Ça coûte à peu près comme 150$ d'avoir ça neuf présentement. Je sais pas si ça a augmenté là, tu parles ou si de Shantae au Game Boy Color. Oui, je parle de Shantae. Shantae's Risky's Revenge, c'est juste le DSi, c'est ça? Risky's Revenge, c'est le 2. Moi, je commence à être fourré dans Shantae, ouais, parce qu'il y en a une méchante gang. Ouais. Là, il y a Shantae, Game, ouais, Boy Color. Ouais. Après ça, la suite, Shantae's Risky's Revenge, DSiWare. Ouais. Après, And the Pirate's Curse, que j'ai parlé ici. Ouais. Ça, c'est le nouveau qui vient de sortir, 3DS. Ouais. Puis, il y en a un nouveau aussi qui est en Records Kickstarter. Shandy. Half, non, c'est Half Genie, Half Hero. Ouais, c'est ça. Half Genie, Half Hero, il s'en vient, Kickstarter, en fait, présentement, je pense. Ou je pense qu'il est peut-être même jouable. Moi, d'après moi, il est jouable. En tout cas... Mais moi, je l'aime, Shantae. Ouais, je le répète encore Shantae. Dans notre discussion qu'on a eue sur, ouais, qui devrait être dans Smash. J'avais oublié de le mentionner. Tellement, là. Shantae, ouais, dans Smash. C'est vrai qu'elle devrait être dans Smash. Elle a des cheveux mauves, puis elle donne des coups avec c'est ses ça. Cheveux mauves. J'ai remarqué, en fait, là, que Shantae, quand tu regardes ça, c'est un mélange entre Castlevania puis Metroid. Ouais, c'est un Metroidvania. C'est... Sauf que quand tu penses Castlevania, tu sais, d'habitude, on dit tout le temps « Ah, c'est un Metroidvania, c'est un Metroidvania », mais là-dedans, même le fouet est là-dedans, parce que dans ça. Le fond, tes cheveux, c'est le fouet. Exact. C'est exactement la même technique. Puis pour ceux-là qui n'ont jamais joué à Shantae, c'est vraiment un des meilleurs jeux rétro au monde. C'est comme un hidden gem. C'est un jeu... Je veux dire, si tu as joué à un Shantae, par contre, ça peut être un positif comme négatif, un peu comme les Castlevania du Game Boy Advance, c'est que si t'as joué à un, t'as joué pas mal à tout dans un sens parce qu'ils sont assez semblables les uns les autres, mais sont toutes aussi bonnes. C'est le même gameplay. C'est le même gameplay. Sauf que dans Risky's Revenge, ce que j'ai aimé, c'est que justement, il y a des améliorations dans ce jeu-là. C'est que, entre autres, justement, elle fait une danse du ventre. Puis avec cette danse du ventre-là, elle peut se transformer genre en petit singe qui s'en va un peu partout. Elle peut se transformer en gros éléphant. Elle peut se transformer aussi en sirène. Donc, il y a plusieurs transformations qui peuvent arriver tout au long du jeu. Puis, on doit faire peut-être le point négatif du jeu, qui est quand même bien et mauvais en même temps, c'est qu'il y a du back and forth. Des fois, on doit revenir sur nos pas, tout ça. Je trouve qu'on se perd un petit peu des fois. On se perd. Je suis déjà resté coincé un bon bout de temps, presque à me décourager. Vraiment. C'est ça qui m'a découragé du premier Shantae. Oui. Mais c'est cool, ça. Parce que c'est une héroïne. Oui. Tu sais, c'est comme, tu sais, là, il y a eu un gros débat, là, tu sais, il y a pas assez de filles dans les jeux vidéo. Exact. Ça, on est directement là-dedans, mais c'est... Ah non, c'est ça, on l'a, là. C'est vraiment cool, là. Oh, oui, vraiment cool. C'est pas genre une fille faible, large, là, tu sais. Mais, là. Par exemple, il y a beaucoup de sexiness. Ouais, c'est ça, ouais. Mettons, elle se penche, là, sex, elle fait vraiment innuendo. La petite chatonne avec les petits yeux, puis elle secoue ses fesses comme ça, ses petites danses du ventre. Tu sais, les seins rebondissent dans les sprites, là. C'est ça, j'ai pas l'impression que Afghani Afiro va être aussi poussé que ça pour les animations sexées. Là. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être la ramener justement un petit peu elle moins sexy. Elle moins pixel, elle est plus comme dessinée. Ouais. Ben moi, personnellement, ça m'a pas choqué. Même, je trouvais ça mignon. Non, non, non. Moi, ça me choque pas. Mais tu sais, c'est le anyway, artwork. Les personnages, quand ils sont féminins, tu sais, sont dessinés gros, simple, petite ouais, taille. Exact. T'sais. Mais c'est ça, là-dedans, pour revenir, c'est que tu dois aller chercher des items puis les donner à d'autres personnes pour pouvoir passer plus loin, pour pouvoir te rendre à un fameux donjon puis finir ce donjon-là puis battre le boss. C'est un jeu qui va prendre environ... En tout et partout, ça prend à peu près entre 3h30 puis 4h le terminer. Moi, je trouve que c'est un jeu qui se fait bien genre en peut-être 2-3 sessions parce que justement, quand t'arrêtes trop longtemps, on dirait que tu perds... la carte, tu perds où t'es rendu à peu près dans le jeu. C'est des grosses sessions, par exemple, parce que tu sais, il y a du stock à ramasser aussi, oui. Je pense. Hein? Oh, toutes oui, les y a power pas mal de up, stock. Si t'es veux toutes. Tu sais, tu peux décider de le faire vite ou de tout ramasser. C'est un ça. Un peu comme Metroid, là. Exact. Dans Director's Cut, j'ai... Tu sais, le jeu comme tel, il est intact. Tu sais, tu vas jouer sur ta TV HD, puis les sprites sont super gros. Ils ont juste blowé ça, mais... C'est crisp, tu sais, les détails sont précis, puis c'est pas flou, il y a rien de flou à l'écran. Tu sais, je vois que ce qu'ils ont rajouté pour faire le background, je dirais en panoramique, là, ouais. C'est pas dérangeant, tu sais, des fois c'est de l'art laid ou des choses ouais. Dérangeantes pour l'œil. Ça capte pas du tout l'attention, ça a l'air de fitter même dans le décor. Mais là c'est le fun parce qu'il te donne le choix en plus, il te donne le choix d'ajouter les bordures, de pas en mettre du tout, de le mettre dans le format original qui est plus petit au milieu de ton écran. Ça c'est hot parce que si tu joues au DSiWare d'origine que tu peux encore ouais. Acheter dans ta 3DS, ça va être flou. T'sais, les DSi, ça sort exact. Flou là maintenant. Oh, là, oui. Le real deal. Non, là, c'est vraiment beau. C'est la plus belle version. C'est ça, moi, je l'ai trouvé plus belle que sur DSi. Sur DSi, je lis ce jeu-là, fait que j'ai pu faire des comparaisons. Puis aussi, ben, c'est ça, évidemment, les illustrations, le texte, toutes ces affaires-là, tout est en HD. La carte, j'aurais aimé qu'il y ait une amélioration, par exemple, parce okay. Que la carte est vraiment mélangeante dans Shantae. Tu sais, t'ouvres ouais. Ta carte, là, puis c'est comme une espèce de vue isométrique. Tu sais pas trop exactement où est ton bonhomme, sauf qu'ils ont implanté un warp system, donc un système pour se téléporter à différentes parties du niveau. Ben, ça aide vraiment beaucoup, ça... Sauf que, je veux dire, ça aurait pas été tough de faire une carte, une carte en 2D de gauche à droite. C'est rare que ça va ça mal. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Puis tu vois, c'est bizarre parce que j'ai fait beaucoup de statistiques. La statistique, on nous disait toujours, tu sais, évitez de représenter vos graphiques en manière isométrique parce que ça perd un peu de la visualisation. Ouais. C'est un peu la même affaire, tu sais. Oh, oui. Et là, pour visualiser, que ce soit efficace, là, that's it, là, non, c'est ça. Puis tu te perds, tu sais, t'essaies de comprendre parce qu'aussi là-dedans, c'est ça, c'est que ça marche de gauche à droite, mais tu fais souvent aussi, tu t'en vas dans l'arrière-plan ouais. Ou en avant. Ouais. Fait que tu sais, il y a différentes couches. Fait que j'imagine aussi que c'est pas évident de faire ouais. Une carte pour ça, mais je trouve que ça aurait pu être pas pire pour le Director's Cut de faire une carte en 3D que tu peux bouger. Est immobile, c'est comme c'est un dessin, puis okay. C'est exactement le même que dans l'original. Fait que j'ai trouvé ça plate. Puis aussi, en même temps, une autre affaire qu'ils ont ajouté, c'est que tu peux jouer. D'un mode, le mode original, où tu peux jouer un mode amélioré où elle a une espèce d'autre costume, puis c'est un petit peu plus facile, ses pouvoirs sont plus faciles. Fait que, bref, c'est quand même un très bon jeu. Si vous avez jamais joué à ce jeu-là, c'est vraiment excellent, puis ça vaut totalement la peine, parce que c'est vraiment la meilleure version. DSi, comme j'ai dit, c'est assez flou, puis tu sais, je veux dire, c'est pas la meilleure version de ce jeu-là. puis justement ouais, si ça existe, pensez plus jamais au DSR. Exact, c'est ça, tu sais, puis jouer moi c'est ça, je pensais que ça me gosserait de jouer à un jeu un jeu avec des gros sprites comme ça sur une grosse TV, mais au contraire avec la palette de couleurs, tout ça, la direction artistique de ce jeu là, ça marche, c'est vibrant. C'est ça, il y a des jeux pourquoi ça marche pas, mais ça marche très bien. Fait que je lui donne un 4.5 sur 5. Tabarnouche, ouais, hein. Parce que ça torche quand même. La carte, c'est toujours un problème, mais au moins, ils ont ajouté le warp qui fait que ça règle des problèmes. Puis j'ai eu pas mal de fun avec ce jeu-là. Écoute, joue à The Pirate's Curse, puis tu vas sûrement y donner un 5. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai préféré, en fait, là. Ouais. Parce que tu te perds moins. T'as comme. Tous les niveaux sont là. Okay. Tu fais lui. Ok. Dans l'ordre que tu veux. T'sais. Mais y a-t-il des transformations dans Pirate's Curse? Parce que je l'ai pas essayé encore. Non, ils ont fait d'autres choses à la place. Tu perds tes pouvoirs dans Pirate's Curse. Ah. Mais tu gagnes genre les armes d'une pirate, là, la méchante dans ce Risky. Ouais, ouais. Tu gagnes les armes de Risky puis ils te permettent de faire d'autres mouvements qui te permettent de passer à des places. Mais j'ai beaucoup aimé les transformations. Parce que les transformations, le singe, c'est un de mes personnages préférés parce que il est pareil comme le voleur dans Dracula's Curse. Ouais. Tu sais, il y a le même genre de mouvement, puis il colle ses murs, puis c'est vraiment cool. Mm. Bon jeu. Excellente série. Yes. Moi, je vais parler de Mega Man 5, un jeu que j'ai acquis qui m'a coûté cher en crise. Parce que. Ouais. Disons-le. Je les avais. En crise. Le 5, c'est le plus dur à trouver. C'est correct, on a juste besoin d'un ring dans la vie. C'est ça. Du moment que j'ai mon Mega Man, moi. Puis j'avais toutes les autres, c'est le dernier qui me manquait. Puis là, je checkais sur eBay, les notifications, puis tout. C'était à 120, 150. C'était vraiment abusif. Fait que je suis allé au musée ferroviaire à Saint-Constant. Et à côté de ce magnifique musée, d'ailleurs, si vous avez une famille, allez là, je vous le conseille fortement. Il y a la boutique Game Over. Et puis, c'est une boutique de marde, tu sais. Les gars, le propriétaire, là, il connaît rien. Tout est overpriced. Tu le vends bien. J'en pense. Ah non, c'est épouvantable. Mais il y avait ce jeu-là, puis The Crayon Conquest au NES, qui était comme le prix de eBay correct, tu sais. OK. Puis, comme il l'a échappé. Il a échappé son overpricing sur ceux-là. Fait que je décidais, fuck that, je l'achète. Donc, je les ai toutes. Puis, je pensais juste comme le rentrer dans mon étagère puis pas jouer, tu sais. Puis, je voulais juste voir s'il marchait. Finalement, on va jouer un peu. Puis là, tu sais ce que c'est. Tu fais un bonhomme, puis tu le pètes. On va en essayer un autre. 3h du matin. Ouais. C'est ça. On se roule en loop depuis une semaine, tu sais. Ouais, ben avec Mega Man, au moins, il y a des passwords. Fait qu'au moins, je peux comme fermer mon nest puis le laisser aller. Mais finalement, man, je l'ai dévoré. J'ai adoré ça. On va parler des Robot Masters. Non, on va parler de l'histoire. Ouais. Attention, là. Je vais spoiler plus tard. Tantôt, il y aura un spoiler. l'histoire de celui-là, c'est Proto Man qui aurait comme parti là, une guerre avec des Robot Masters pour conquérir le monde. T'sais. Proto Man, vous savez, c'est qui? Ouais. C'est celui avec une fleur jaune. Là, ouais, ça, c'est Proto Max. Ouais. Il apparaît dans Mega Man 3. C'est lui qui s'appelle la petite. Juste à Turbo Max, l'espèce de personnage de vitro. Plus. Ah ouais, ouais. Duro vitre d'auto. Ah oui, celui-là. Ah, Irène travaille sur un jeu présentement. Oh boy, excusez-moi. Fait que. Wow. Protoman, quand il apparaît dans le 3, ça fait une petite flûte, là. Tu te rappelles de ça? Pareil. Pareil, je l'ai raté complètement. D'ailleurs, si vous avez ça comme sonnerie de cellulaire, comme Jean-François est dessus, il y a ça, lui, un gars qui vient aux soirées ici, puis on est tous. Oh shit! Tu sais, on joue d'un coup, on entend la toune de Proto Man. Ouais, hein? Hein? Il arrive. C'est capotant. Fait que c'est ça. Donc, mais finalement, spoiler, c'est pas lui, c'est Dr. Willy qui a tout manigancé. Oh, ça crie pas! Proto Man, il est bien correct, finalement. Là. Fait que dans ce jeu-là, les Robot Masters, il y a Stone Man. Je trouve que ça manque un petit peu de recherche. Gravity Man, ça c'est cool, tu sais. Ouais. Crystal Man, ça c'est. Crystal Man! Tu sais, Amethyst Man. Tu fais de la poudre avec. Diamond Man. Crystal Man. Ouais, ouais. En tout cas, ça ouais, c'est vraiment ça. Crystal Man. Charge Man, je l'ai trouvé le fun. C'est comme une locomotive. Tu sais, c'est le plus facile à péter, mais tu sais, c'est une locomotive. Puis en plus, je l'ai acheté en face du musée ferroviaire. Oh, ben ah, là, tabarnage! C'est méga Inception. Napalm. Megaception. Napalm Man. Cool Guy. Cool Guy. Comment t'as dit? Napalm Man. Napalm Man. Non. Napalm Man. On s'agit de Man, ça serait pas pire, ça. Napalm Man. Il y a une coupe de bonhomme blanc. Une coupe de vétérans du Vietnam, je vais pas être content. C'est clair. Wave Man, tu sais, c'est poche. Starman, je dois mentionner, qui est poche aussi, puis il est vraiment laid. Mais il est facile à battre. Oui, il y a une étoile dans le front. Puis son saut, c'est une grosse étoile. Ouais. Vraiment laid. Mais la musique de son niveau est très planante. Elle est comme. Ça m'a touché. C'est venu chercher. C'est venu me chercher. Ça m'a transporté ailleurs. Pour revenir à Stoneman aussi, sa musique est très jazzy. C'est Michael LaRouche qui m'a fait remarquer ça, c'est vrai. Comme je pensais c'était lui qui l'avait composé. Ça aurait pu. Hein? Mais c'est ça. Puis pour finir, Gyroman. Gyroman, tu peux faire tu peux faire ta joke de sandwich. Ah, les Gyro à l'air. Oh là là. Tu l'élimines en le mangeant. Oh, wow. Ton super moi ce qui te fait bien de l'ail. C'est ça. C'est trop dur à gérer. Assis à tout ça, noué. Tabarnak, ces gars-là, même, sont fatigués. Je savais juste pas qu'il existait vraiment. C'est très drôle. Wow, c'est Giro dans le sens de Giro. Je pense Mais c'est pas Giro. Hélicoptère. C'est Giro. Ouais, c'est ça. C'est Giro comme le Giro dans 3DS. Là, comme un hélicoptère. C'est ça. Ah, comme un hélicoptère. Il lance des hélices d'hélicoptère. Ok. Il y a une hélice d'hélicoptère dans le dos. Fait que c'est ça son histoire. Puis. Fait que tous ces personnages-là, là, à un niveau, je trouve que ça n'a pas grand-chose de spécial. Gravity, ça, t'sais, up and down, tout, mais ça n'a pas apporté rien de nouveau, je dirais. Et puis, bon, après ça, t'embarques, tu sais, à partir du 4, à partir du 3, ils ont décidé de faire des nouvelles affaires. Ouais. T'as tout le temps deux châteaux. Là, t'as le château de Protoman. Ben, à la fin de chaque niveau de ça, c'est des robots spéciaux qui sont vraiment laids, puis qui ont tous chacun un pouvoir. Je le dirais que le dernier niveau, c'est le plus dur, mais ça m'a pas impressionné. Par exemple, la musique est bonne en tabarnak. Mais là, qu'est-ce qui fait que ce jeu-là est meilleur que les autres? Parce que là, demain, tu le vends, je sais pas. J'ai pas dit qu'il était meilleur. En fait, Mega Man 5, j'ai fini le 6 aussi cette semaine. Ah oui? Ben, j'ai trouvé bon. T'sais, c'est tout le temps bon, Mega Man. Oh oui. Mais c'est pas nouveau. C'est quoi le pire Mega Man? C'est-tu vraiment le premier? Moi, je trouve l'un. Ouais. Il est comme ordinaire. Tasteless, là, comme. Ouais. Il manque deux trois mécaniques pour être vraiment plus intéressant. Exact. Puis, tu regardes à l'écran présentement le boss. C'est vraiment beau. Il est beau, là. Il est bien découpé. Il est bien. On développe un style avec le temps. C'est vraiment beau, là. Ben, c'est le premier, c'est le premier. Il essaye. Tu regardes, mettons, Iceman dans le premier, qui a juste un petit bonhomme avec un coat. Là, tu regardes un boss comme on vient de voir. C'est une méga grosse affaire. Puis, les Willy, il y a tout le temps de plus en plus des grosses machines pour essayer de t'écraser, des gros tanks, des affaires, le dragon dans le jeu. Ouais, là, le dragon. Fait que tout est tout le temps de plus en plus beau. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est un jeu magnifique. T'sais. Bon. Fait que c'est ça. Mais ça n'a pas été dur. Puis, aussi, dans ce jeu-là, Beat fait son apparition. Connaissez-vous Beat? Non. Attends, Beat, c'est pas la sœur de Mega Man, ça? Non, ça, c'est Roll. Non, c'est Roll. Parce qu'à l'origine, Mega Man. Parce qu'ils ont tous des noms de musique, en fait. Au Japon, c'est Rockman. Ouais, comme c'est la ça. Musique rock. Okay. Puis sa sœur, genre whatever, c'est Roll. Dr. Light a créé Rock, Roll. Ouais. Puis Beat, puis il y a Bass, ça, c'est celui qui est noir. Ouais. Puis Beat, c'est le petit oiseau. C'est le petit oiseau qui flotte. Fait que dans les niveaux, faut que tu ramasses les lettres pour compléter Mega Man 5, me semble. Puis là, t'as Beat. Puis moi, je savais même pas, tu sais, j'ai tout fait ça. Puis ah, fuck, il manque des lettres, c'est pas grave. Je suis rendu à Willy, go. J'ai fait le jeu. Puis finalement, Beat, tu sais, genre, il pète Willy en 2 secondes. Là. Moi, je le faisais à bras. Quand tu accumules les lettres, il te suit pour le Ben, il apparaît, puis il devient utilisable. Quand tu summons Beat, il vole au-dessus de toi. Quand un méchant apparaît, il fonce dessus puis il pète d'un coup, tu sais. Mais il consomme un beau feature. Il est puissant. Mais il consomme beaucoup d'energy bar, tu sais. Fait que il peut pas rester longtemps. Soit parcimonieux. Oui. Ah, quel beau mot. Putain. Pour ça qu'il avait bien fait de le commander. T'as payé cher le shipping. Ouais, ça valait. Je le vois, il passe sous mon argent. en dictionnaire pis des affaires de même. Je suis venu avec des livres aussi. fait que c'est ça. Donc, est-ce que jeu-là vaut le pesant d'or? Non. Mais, tu sais, achetez-vous Mega Man Anniversary Collection là, au GameCube ou ben au PS2. Ils ont tout là-dessus. Moi, c'est là-dessus que vous avez fait à l'origine. Sur Vita, moi, en fait, j'achète les ports japonais. Ouais. Ils ont tous les ports japonais sur PS1. Puis, ils reviennent souvent spécial. Genre, ils sont comme 1,50 chacun. Exact. Fait que tu t'achètes toute la collection quand ça vient en spécial, mon gars. Dans le métro. Tu te régales, là. Ouais, c'est fantastique. Ah, c'est ça. Ça joue tellement bien. Mais, tu sais, les mécaniques de glisser puis craquer ton Mega Booster, ça continue. Même que j'ai beaucoup aimé ça parce que dans le cap, ils ont initié le craquage de Mega Booster. Ouais. Puis ça fait brrrr. Mais tu sais, ça reste tout le temps. Puis moi, je suis le genre de gars qui, quand il n'y a plus personne, je le crains puis j'avance jusqu'à la prochaine. Moi, je le garde tout le temps. Il est tout le temps craqué. Ouais. Fait que quand tu joues, c'est. Dom, t'es pas le genre de personne, tout le monde fait ça. Tout le monde. Ben, il y a peut-être du monde qui font pas ça. En tout cas, ben, là-dedans, ils ont corrigé une affaire. Rêve premièrement, brisé. La shot est plus grosse. Excuse-moi, je voulais pas t'écrire. C'était un de mes features, ça. Mais ouais. Ça, puis écrit dans Skater Live. Il reste juste écrit dans Skater Live. C'est deux affaires que je veux être dans le jeu. Il vient de détruire ton identité. Là, je suis plus sur le CCJVQ. Puis là, tout le monde fait ça, craquer son shot tout le temps. Tabarnak. On va parler au patriote, Chum. Ah ouais. Mais là-dedans, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé le son. Tu sais, à un moment donné, ils arrêtent de faire but. Donc, tu sais, c'est des détails de même qui améliorent ton expérience. Ouais, parce qu'à longue, t'es tanné de l'entendre. Ben oui, ouais. Ce qui fait parce que tout le monde le fait. À un moment donné, parce que ça. Ouais. Écoute, j'entends quelqu'un le faire. Quand tu... Tout le monde pensait qu'il était devenu acouphène. Ouais. Oh boy. Fait que je recommande ce jeu. C'est un très bon jeu. Et puis, ben, si vous collectionnez, pognez-vous tous les Mega Man, c'est bien certain. Ben puis certain. Je dirais, achetez-le comme très bientôt, parce que ça fait juste monter. Ouais. Lui, tu lui donnes combien? Je donne combien, Jeff? Donc, un beau 4. C'est bon, tu suis sur moi pour ça. Non, c'est parce que j'ai écrit mes notes il y a longtemps, puis je vais pas retourner voir combien j'ai donné. Fait que c'est un beau 4. C'est un Mega Man, c'est la suite. Qui est propre. C'est tout aussi agréable, c'est très propre. Ouais. Donc, amusez-vous avec ça. Bon. Puis faites le 6 après ça. Bien. Tant mieux. Nice. Yeah! Giroman en plus. Giroman. Let's go. Giros. Fait que, ouais. Nick, qu'est-ce que t'as essayé de parler dernièrement? Un jeu. Fait que là, dans le fond, là, c'est toi qui as fait remarquer ça alors qu'on chattait en préparant l'émission. C'est une émission, on pourrait dire, pas mal rétro en tant que tel. Ben oui, mon t-shirt de Bubble Bubble pour l'occasion. Ils font des pets dans l'eau. Des c'est bruits. Comique, c'est vraiment comique. Des pets. Ouais, fait que le jeu que j'ai essayé, ça s'appelle Duck Game tout simplement. Puis ça c'est un jeu là Duck comme canard. Ouais, hein. Duck comme canard, ouais. C'est un jeu à forte saveur rétro là, tu sais. On regarde le look and feel, c'est du 8-16 bits, tu sais. Ça c'est un jeu en fait qui a été développé par Landon Podbielski. Fait que tu sais, on fait tout le temps des jokes, les jeux indie, c'est développé par un gars dans son sous-sol. Ben là, c'est vrai, c'est vraiment lui qui a fait ça, seul, tu sais. Puis ça a été publié par Adult Swim Games. Puis on se rappelle sûrement de Robot Unicorns Attack, là. Bon, ça, c'est Adult Swim Games. Puis on continue à faire des jeux, puis il y a tout le temps une touche d'humour, le fun, puis une belle ambiance dans ces jeux. Ils sont tout le temps bons, sérieux, ouais, le jeu Adult Swim. Ouais, tu sais, ils ont toutes sortes de. Ils ont beaucoup de jeux mobiles aussi, puis il y a tout le temps une petite portion, tu vas sourire en jouant à ces jeux-là. Ben, ce jeu-là, en fait, était sorti sur la Ouya. Alors, tu sais, on parle aux trois. Ouais, les trois personnes qui nous écoutent qui avaient une Ouya, là. Tu sais, genre, ça, c'était une des dernières raisons des exclusifs Ouya que vous pourriez garder votre console avec Towerfall, dans le fond. Mais là, vous pouvez jeter votre console. Puis, il est sorti sur Steam. Il est disponible sur PC. Puis, c'est un jeu, en fait, là. Imaginez-vous que c'est. Vous êtes en 1984, un environnement rétro-futuristique. Puis, tu sais, il y a des canards, là, genre, un petit peu comme Howard the Duck, là, vraiment, vraiment agressifs, tu sais. Puis eux, ben, ils se font la guerre dans une arène, tu sais. Oh. Imaginez une arène un peu dans le genre Super Smash Brothers. C'est pis, ça, mais en pixels. En pixels, tout à fait. Okay. Avec des canards qui ont des guns. Ouais, ben, les canards, ils ont des guns, mais toutes sortes d'armes complètement là, disjonctées, tu sais. Ça genre... fait penser à Bro Force aussi. Dans ouais, hein? Dans c'est le look, là, dans la forme. Ouais, ben, ça fait penser à un paquet de choses. Comme on voit, tu sais, il y a des. À l'écran, il y a des petites. Il y a des petites cases, en fait, point d'interrogation, des fois, un petit peu comme à la Mario. Tu vas aller chercher un arme, tu sais pas ce qu'il y a là-dedans. Des fois, il y a des armes qui sont tout simplement juste affichées à l'écran. Ce jeu-là, en fait, là, la beauté, c'est vraiment le multijoueur, là. C'est du multijoueur complètement frénétique, ultra rapide, des games très, très, très rapides. Puis, votre situation idéale, c'est de jouer à 4 contre. Ben, 4, dans le fond. Vous pouvez jouer à 2 ou à 3, c'est moins intéressant. Les cartes sont, ils varient vraiment en grandeur. Il y a à peu près 4, pas 4, il y a à peu près 50 cartes là, qui est disponible avec le titre. Puis ils ont toutes des grandeurs différentes, c'est toutes des expériences différentes. Il y en a une qu'il faut que tu pitches vraiment rapidement pour aller pogner une arme spécifique. Puis il y en a d'autres aussi. Tu peux mettre un pourcentage de cartes qui va être généré de façon aléatoire. Ça, c'est intéressant parce que t'as tout le temps une affaire bizarre qui va t'arriver, une nouvelle carte que t'as jamais vue. Fait que tu sais, bien que tu vas avoir des favoris d'un carte qui ont été prédéterminées, mais tu vas avoir quelque chose de nouveau une fois de temps en temps qui va popper. Fait que tu sais, au niveau de la rejouabilité, là, c'est excellent. Ouais. C'est tellement frénétique ce jeu-là, là. C'est vraiment le genre de jeu, tu sais. Des fois, les jeux PC, tu joues, là, t'as deux écrans, là, tu commences à checker tes emails, je sais pas. Si tu fais ça, ce jeu-là, tu meurs automatiquement. Tu sais, tu prends une gorgée de bière au mauvais moment, t'es fini, tu sais. Tu peux rien te permettre, là. Véritablement, là, c'est tellement rapide et intense, là. Au début du round, il y a quelque chose qui va se passer. Sur les quatre, il y en a un qui va crever. Puis après ça, il va avoir un petit jeu entre les autres. Là. Okay. Les armes sont tellement le fun. Tu sais, c'est n'importe quoi. Comme, ouais. T'as des revolvers. T'as un saxophone. T'as une espèce de... T'as une bible, OK? Puis tu peux endoctriner les gens en arrière. C'est ça. Puis ça c'est un close range weapon. Tu sais, t'as un genre de laser, une espèce de sniper au laser. T'as des armes... T'as un genre de mousquet, OK? Puis quand tu tires avec ça, c'est puissant. Mais là, tu loads pendant à peu près 20 minutes. Je vais pas faire le geste. C'est excellent. Ça tu dois le reloader, mais tu sais, ça prend genre une minute à reloader. T'as toutes sortes d'armes, t'as un arme pour glacer le monde. Après ça, tu vas être pitché dans le trou. C'est tellement rapide ce jeu-là. T'sais, vous voyez à l'écran, mais en tout cas, tu peux débloquer des casques. Puis d'habitude, un chapeau, c'est un événement de fantasy qui t'arrive dans un jeu, puis ça veut absolument rien dire. Mais dans ce jeu-là, le chapeau, il est vraiment, vraiment essentiel parce que faut qu'en une fraction de seconde, t'identifies t'es où sur la carte. Tu vois, OK, là, je suis là. Puis là, tu commences à tuer le monde. Fait que tu peux débloquer toutes sortes d'affaires. Le chapeau, il t'aide à être dans le chapeau, il t'aide à savoir c'est qui, parce que c'est tous des canards. Là. Non, parce que les canards, tu vois un canard brun, un canard gris, un canard blanc, un canard jaune. Mais c'est tous des canards, mais ils ont le même sprite, si on veut. Fait que ce chapeau-là, il va tout de suite te dire, OK, je suis le gars qui a la grosse tête, j'ai la tête de punk. Je suis le gars qui a le rondin sur la tête. Il y a un bleuet. Fait que là, c'est vraiment important. OK, fait que tu peux mourir comme un épais parce que tu pensais que t'étais le dos de podcast. Tout à fait, tu sais. Puis c'est mon genre. Tirer dans ton but. Ouais. Un des points négatifs pour certains dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a aucun tutoriel véritablement. Tu vas avoir des missions que tu peux faire en single player. Ça n'a pas l'air tough, mais toutes les armes font quelque chose de spécial. Tu as même un arme qui est comme le Suicide Revolver. Si tu le prends, il tire. Tu saches que cette arme-là, tu vas tout le temps faire tu vas faire l'erreur une fois. C'était rapide. Il y en a qui le font deux, trois fois avant de s'apercevoir que ce gun-là fait juste te tuer, tu sais. Ça fait deux mois. Crise de jeu. Fait que, pis ce jeu-là, c'est tellement rapide, fun. Là. Honnêtement, ça fait des années que j'ai pas eu autant de plaisir. C'est drôle, ça me fait penser à une bonne version de Crash Commando, qui est un jeu de PS3. C'est vraiment assez obscur. Oui, là. Je me rappelle de Crash Commando, sorti au début. Fait acheter, en fait. Moi, je l'ai bien aimé, mais c'est ce qui manquait, c'était de la rapidité. Puis ça, c'est totalement ça. Ça puis les games, tu sais, c'est tellement rapide aussi. Les games finissent, t'as pas le temps de t'ennuyer. Ah ben t'attends pas. Puis c'est même plaisant de regarder les autres finir le match. Ouais. C'est moi, vraiment quelque chose d'intéressant. À Samurai Gun, mais dans un niveau plus grand. T'as un katana, puis t'as un gun, mais trois balles seulement. Le jeu d'Xbox One, c'est quoi? C'est Odarb ou je sais pas trop quoi? Je me souviens plus du titre exactement, où il faut juste que tu shootes d'un but de l'autre. Ben, y a beaucoup d'équivalents, on pourrait dire, mais celui-là, il m'a procuré du plaisir. Ben lui, il est comique, en tout cas, déjà. C'est amusant, les armes, c'est tellement varié. Puis en plus, il faut savoir ce que les armes font. Il y a des petites particularités, là, disons. Là. Fait que, y a une courbe d'apprentissage assez longue avant d'avoir du skill. T'sais. Attendez-vous, il va falloir détruire en ligne là, pendant une couple de games avant de vraiment comprendre ce qui se passe. Mais c'est quand même plaisant. Même pendant que je me faisais comme abuser totalement par les autres joueurs, je dirais que c'était plaisant à regarder ce qui se restait. Fait que, grosso modo, le single player est là pour vous faire développer des skills pour le multijoueur, puis débloquer des chapeaux. T'sais, des défis sont très difficiles. Ceux qui sont des gens qui aiment vraiment les défis. C'est un bon platformer. Les contrôles sont bons. Vous allez trouver du plaisir au single player. Moi, je me suis concentré sur le multijoueur qui est tellement, tellement excellent. Là. C'est une expérience complètement folle. Écoutez combien? Il est à peu près 15$ canadiens sur Steam. OK. Mais quand moi, de l'argent, un peu, ça. C'est beaucoup pour un jeu indie du type. Il n'y a pas tant de contenu que ça. Mais je vous dirais qu'au niveau du plaisir que vous allez avoir, là, ça vaut amplement la peine. Ouais. Tu sais, honnêtement, là, je remercie mon voisin, en fait, Pierre-Luc. Moi, j'ai un voisin gamer. Puis, tu sais, quand je sors les poubelles. Le matin, vous parlez gaming. Hein, ça fait au lieu de parler de. Ouais, mais au lieu de parler de la météo, on va parler de jeu. Fait que c'est lui qui m'a recommandé ce jeu. Et je le remercie et je le recommande fortement. Le seul point négatif présentement, c'est que c'est un jeu qui est encore, je pourrais dire, un hidden gem. Il n'y a pas assez de monde qui le connaisse. Fait que des fois, le matchmaking est plus difficile. Ça va te prendre quelques minutes avant de trouver 4 joueurs pour commencer ta game. Une fois que tu l'as, tu poursuis ta game, tu sais. Puis quand tu es en matchmaking, je veux juste mentionner ça, tu as comme une espèce de. Tu as un mix entre une toune d'ascenseur et une toune de porn des années 70. Oh, ça, c'est les bons clins d'œil. Ça fait comme genre. Tu sais, il y a quelque chose de même, tu sais, plus de la petite musique dans le. Wow, dans le fond, tu dis, bon, ok, c'est long de trouver quelqu'un, mais à un moment donné, tu sais, tu dis, ouais, c'est fun. Je veux passer plus de temps là-dessus. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié ce titre. Si vous aimez le multijoueur, vous êtes des fans de Super Smash Bros. Si vous êtes des fans de. Si vous êtes des fans de rétro qui aimez vraiment l'action, les contrôles sont tellement tight, tu sais, ça peut plaire aux joueurs nouveaux, aux joueurs rétro, ça peut plaire à tout le monde qui aime le multijoueur frénétique. Et même si vous êtes juste, vous voulez juste faire le single player. Ben, les challenges sont extrêmement difficiles, ça va vous plaire. Si vous êtes des fans de, mettons, Super Meat Boy puis des espèces de platformers de fou, je pense que ça va aller vous chercher. Quelqu'un dans le chat te demande si c'est couch co-op ou c'est juste en ligne, le multiplayer. C'est les deux, c'est ça qui est merveilleux. Oh, excellent. Fait que, vous pouvez tout faire, avoir des bros chez vous qui sont debout à côté de votre ordinateur. Cool, si vous avez un setup de gaming PC à la maison sur un divan, ça va être excellent. Ben, Steambox va bien venir un jour. Fait que... Fait que, ben oui, le, oui, tout à fait, il va aller Steambox. Mais honnêtement, fait que c'est vraiment, vraiment excellent comme jeu. Pour toutes ces bonnes raisons, je donne la note de 4.5 étoiles sur 5. Excellent titre, allez vous le procurer. Ça tient fort. Une bonne soirée, ouais. Il va falloir que je joue un mauvais jeu bientôt. C'est rien que du bon. C'est toujours pénible de faire ça. C'est ça. Surtout quand tu le sais d'avance, c'est dans le rétro. Ouais, ça part bien pour... Ah, c'est vrai. Excellent. Hey, d'ailleurs, moi, je vais... J'avais pas prévu ça, mais je ferai pas une critique, mais je vais juste faire un avertissement au monde parce que je joue à beaucoup de jeux sur mobile dernièrement, puis j'ai découvert, en fait, que le mobile peut littéralement sauver l'absence de jeux sur Vita puis sur 3DS parce qu'il y a vraiment des bons jeux. Mais il y a un jeu que Sega a sorti qui s'appelle Eroki avec un H. Qui était supposé d'être vraiment là, un nouveau IP incroyable. Quand tu le regardes visuellement, c'est fantastique, mais les contrôles sont épouvantables. Fait que s'il n'est pas en spécial, achetez pas ça, parce que c'est un jeu qui est à peu près même en spécial, 5 et 8 piastres. Pas trop le goût, là. Non, c'est ça, même contrôle en spécial. En spécial. Les contrôles sont pas bons. J'ai essayé. Je me disais, je vais faire la critique. Mais ça me tente même pas de faire la critique. Un jeu d'hélicoptère, ça, Bruno? Ouais, comme un jeu. Il est 2$ sur l'App Store en ce moment. C'est ça. Présentement, il est 2$. Fait qu'au pire, tu sais, si vous êtes des gros fans de Sega puis vous voulez être impressionné graphiquement sur votre console mobile, ben, tu sais, oui, ça peut être intéressant, mais les contrôles sont pas terribles parce que tu le fais voler avec ton doigt puis. Je sais pas, ça marche tout croche, c'est vraiment difficile. J'ai fait le premier niveau, puis j'ai fait comme oh fuck. C'était vraiment tough. Fait que non, achetez pas ça. Puis je vais vous revenir avec beaucoup de titres sur iOS à essayer. Je vais sortir ça sur le site prochainement, retronouveau.ca. Great. Excellent. Here's to you, Ben. Ouais, bon, ben, ma critique... monsieur. De la musique spéciale, la critique à Ben. C'est vrai. C'est vrai. Ça gâte un peu, là. La musique de porn qu'on parlait. Ah non. On va la mettre fort un peu, là, pour se gâter, puis être en... Ça, c'était pour toi, DF et Dom, parce que vous m'aviez parlé que cette musique-là part... C'est la version qui s'en est faite. Donc, c'est SimCity, version SNES. Beau jeu. Moi, j'ai fait... J'avais écrit un texte sur le défunt blog de M. Net où je disais, tu sais, une des choses que j'apprécie faire, et je dois pas être le seul, là, c'est le slow gaming. C'est-à-dire que, tu sais, oui, des jeux frantic, là, comme tu viens de le présenter, c'est le fun. Mais une fois de temps en temps, c'est le fun de juste écraser, prendre des décisions tranquillement, puis juste regarder un peu comment tes décisions évoluent. Puis ça, c'en est un excellent exemple. Jeu de simulation de ville, donc où vous développez une ville. produit Will Wright, qui a roulé pas mal. Là. Il a roulé pas mal sa bosse dans le milieu. Bon, il n'a pas eu toujours du succès, mais ça a été un grand succès. Je trouve ça malheureux parce que la licence est pas mal décédée. Oui. Mais c'est le dernier, il y avait eu des bugs. Elle a été beaucoup transformée. Mais moi, je me souviens, y a-tu du monde qui ont joué à SimCity 2000? Oui. C'est bon, ça? C'est reconnu comme une bonne série, ça? Oui, c'est un bon. Ils construisaient beaucoup sur, justement, la version SNES, là, antérieure, là, mais il a rajouté des choses qui manquaient. D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on a avec SimCity. Il manque certains éléments pour rendre un peu la ville encore plus vivante, là, notamment la question de la gestion de l'aqueduc, des choses comme ça, ça n'existe pas sur la version SNES. Hmm. Et puis dans SimCity 2000, c'est là, donc tu as un peu plus d'options aussi. C'était pas mal, comme tu dis, là, c'est pas mal la version qui a été reconnue comme étant la version ultime. Ouais. SimCity SNES, le gros... disons, le gros avantage de cette version-là par rapport, parce qu'il est sorti sur d'autres plateformes, notamment macOS. Oui. Ça a été publié là-dessus en premier. C'est qu'il a été transformé pour Nintendo. C'est-à-dire qu'ils ont fait des personnages de Nintendo, notamment tu as la statue de Mario. Oui, c'est vrai. Au lieu d'avoir l'espèce de gros lézard qui rentre dans la ville à la... Godzilla, exactement. Donc, c'est Bowser. Bref, il y a toutes sortes de clins d'œil qui sont faits comme ça aux licences de Nintendo. Ils ont aussi dessiné Will Wright, donc l'espèce de petit conseiller qui vient de voir là, au milieu de la... C'est un hommage à Will Wright. Qui s'appelle Dr. Wright, d'ailleurs, exactement. Hey, son prénom, c'est Left, pour faire un jeu de mots. C'est hot. Ouais. et ce jeu-là donc, vous permet de faire votre ville. Grosso modo, vous démarrez sur une carte que vous choisissez. Puis ça, c'est un des points faibles du jeu d'ailleurs. Quand on choisit une carte, faut pas qu'il y ait d'eau. Ouais, mais c'est vraiment long passer d'une carte à l'autre. Là. Donc, quand tu commences puis tu choisis ta carte, là, pour, mettons, monter d'une carte, tu cliques par en haut, tu vas en voir un autre. Il y en a 999. Il y en a en tabarnak. Il y a 1000 cartes. Là, l'affaire, c'est quand tu changes de numéro, il t'a reload. Là, c'est vraiment long avant que ça l'autre. Ça, c'est un des points faibles. Ouais. Alors, si jamais vous jouez à ça, allez fouiller sur Internet. Il y a pas mal... Choisi avant. Ouais. Tu sais, ils disent, telle carte, là, t'as tant de pourcentage d'eau. C'est pas mal dans les meilleurs. Là. Donc, à partir de là, vous démarrez votre ville. On vous donne des petits conseils d'usage. Et on a pas mal jeté les bases de pas mal tous les jeux de construction de ville qui sont actuellement sur le marché, soit les trois secteurs classiques, commercial, industriel et résidentiel. Ouais. Donc ce jeu-là part, puis on joue essentiellement avec ces instruments-là, et puis vous construisez votre ville, vous gérez votre budget, électricité, etc. Puis, fun fact, Will Wright a poussé un agenda politique dans le jeu. Ah oui? C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un qui apprécie particulièrement le transport en commun. Lui, il dit que c'est l'avenir. Donc, dans ce jeu-là, vous faites des routes pour y mettre, en fait, du chemin de fer partout. Moi, c'est ça que je faisais. Ouais. Je mettais jamais de route. Et voilà. Gagne des trains. Et voilà. Et le chemin de fer partout fait la même job. Et l'autre chose, c'est que le nucléaire, lui, il était contre le nucléaire. Et c'est un des problèmes quand tu commences à utiliser du nucléaire. À un moment donné, ta centrale se fatigue, puis là, elle peut exploser, etc. Donc, lui, ça a été un des éléments qui a poussé là-dedans. Ah ouais. C'est particulier. Je savais pas ça. Surtout à l'ère du Super Nintendo, c'était rare, là, des messages comme ça. Ouais. Puis en fait, c'est ça. Will Wright, dans tout le développement du jeu, lui, il est parti d'un jeu qui a été lancé sur le Commodore 64. Le titre du jeu, c'est Raid on Bungling Bay. Voilà. Et Il est parti de ça. Ouais, c'est ça. Lui, il a fait ce jeu-là. Ça, c'est sur les cassettes de 260 jeux. C'est tout vraiment un jeu. Un jeu de Brother Bound. Ouais, exactement. Puis ce jeu-là, il a fait ce jeu-là. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que l'aspect sur lequel il trippait le plus, c'était de faire les cartes. Donc là, il s'est dit, moi, je vais développer quelque chose pour aller avec ça. Donc, et voilà, c'est venu de cette... Faut que tu écoutes ton cœur dans la vie. Oui, voilà. T'écoutes ton cœur. T'as pas le choix. Ça a marché. Oui, solide. Donc, ce jeu-là a vraiment des belles qualités au niveau, notamment du graphisme. Moi, je trouve que pour un jeu de simulation, là, honnêtement, c'est bien fait. C'est cute. Tu sais, on voit l'évolution de la ville. Ça, c'est une des choses que j'aimais particulièrement. Tu sais, tu t'assois, puis tu regardes comment ta ville évolue, puis là, tu essaies de changer les choses. Par contre, c'est sûr que c'est un jeu de simulation qui se joue sur SNES, donc avec une manette. Et ça, c'est un des petits points qui peut être gossant. Ouais, tu déplaces du curseur beaucoup. C'est là. Ça. Tu te promènes avec ton curseur. Tu sais, oui, il y a des moyens d'aller un peu plus vite, mais tu es tout le temps en train de switcher tes menus puis de déplacer ton curseur. Puis ça peut être long. Parfois, ça peut être gossant. Puis aussi, il y a... Quand ta ville commence à être particulièrement grosse, là, tu passes dans les mégalopolis, tu vois que le moteur en arrache un peu là, au niveau du graphisme. Ouais, il y avait des ralentissements sur la console là, à l'époque, ça, je me rappelle. Ouais, puis ça flash aussi à un moment donné. Tu as comme des espèces de flickering dans les graphismes. Okay. Ça fait en sorte que ça peut être dérangeant. Mais bon, ça fait pas planter le jeu, rien. Là. C'est juste qu'à un moment donné, tu sens que il y en a beaucoup qui se passent et qu'il y en a beaucoup à gérer. Aussi bien s'en tenir à une ville grosse comme Tedford. T'auras jamais de problème à part l'amiante. Non, tu fais juste l'industrie pis tu rides dans la fièvre. <C'est ça. rire> Juste l'industrie et 4 maisons dans le milieu. Ah, c'est tellement ça. Non, on se prend pas d'amis à Tedford Mine. Ah, bon, je peux dire ce que je veux. Toute ma famille vient de là. OK. Mais c'est ça aussi le plaisir de ce jeu-là. C'est justement d'expérimenter. Tu sais, tu pars puis tu fais des affaires qui n'ont pas d'allure. Comme là, tu te rends compte que ben, ça marche pas pendant tout. Ouais. Y a un autre des défauts de ce jeu-là, en fait, c'est que tout est carré. C'est un peu la mécanique de base, c'est que tout est quadrillé, tu sais, tu fonctionnes comme ça. Fais en sorte que, tu sais, il y a des fois, tu voudrais essayer de faire une route un peu plus, tu sais, qui va contourner des choses comme ça. Tu sais, il faut vraiment que tu penses tout le temps en mode quadrillé. Ça a été, en même temps, ça a été long avant que ça soit réglé dans ce type de jeu-là. Là. C'est pas récemment, mais ça a pris quelques années avant que ce genre de problème-là soit réglé, parce que c'est quand même demandant là, pour un système puis un développeur aussi d'aller au-delà de ça. Mais je sais que graphiquement, tu sais, il était pas super poussé, mais ça, j'ai checké, je me rappelais, c'était un launch title en fait, le SimCity. Ouais, il n'a pas encore exploré la Super NES. Non, c'est ça, complet, pour l'époque, là. Moi, je trouve que c'est bien, c'est bien honnête. Là, puis, tu sais, même tu regardes les détails sur les bâtiments sont quand même pas si mal. T'sais. C'est sûr que bon, on n'est pas dans les titres 95, choses comme ça. 91, je pense, 91, le titre SNES. Je pense que c'est 89 sur macOS, choses comme ça. Donc, tu sais, ça a bien du bon sens. L'autre élément aussi qui est particulièrement frustrant, c'est qu'il est quand même difficile à maîtriser. Va falloir faire en sorte que vous ayez plusieurs erreurs, échecs pour avoir finalement un peu d'argent pour rouler. Puis c'est un jeu que parfois vous allez dire, ben gars, je vais le laisser rouler pendant une couple de minutes temps que je me fasse un petit fond, là, tu sais, payer mon poste de pompier, mon poste de police, etc. Mais il y a un cheat d'argent. Ouais, il y a un cheat d'argent. Oh. Fait que avec ça, tu peux comme développer assez ta map d'un coup. Ouais, clairement. Mais en même temps, en faisant ça, moi c'est ce que j'essayais parce que j'avais pas de patience. Mais ça tue un peu le principe. Ouais. Ça, mais aussi t'apprends plus vite les erreurs. C'est vrai. Oh boy, ouais, ok, non, ça marche pas. Plus de chemin de fer. Je peux pas construire des maisons à côté des centrales nucléaires. Les gens chialent tout le temps pour rien. Ben oui. Le terrain est pas cher. Ben ouais, Grim, tu regardes dehors, une belle centrale, hein, tout neuf là. Mais l'autre chose aussi que vous pouvez faire avec ce jeu-là, c'est partir avec des scénarios. Donc, il y a des scénarios préprogrammés où, par exemple, vous devez gérer une catastrophe. Ah oui, c'est vrai. Ou vous devez gérer une ville qui a l'air, qui a une allure particulière. Donc, ça aussi, ça donne d'autres défis. Puis justement, tu parlais là, avoir bien de l'argent. Souvent, je me rappelle l'avoir fait. J'avais construit une grosse ville. Puis là, mon but, c'était de faire la plus de catastrophes possible, voir jusqu'à quel point ma ville était résiliente. Finalement, c'était pas très résilient. Manquait un peu de poste de pompier. Puis ça, c'est une des dernières critiques que je ferais avant ce jeu-là, c'est que la question des pompiers-police, à un moment donné, là, c'est que... C'est-tu nécessaire? T'en mets beaucoup, sérieux. Il y a tout le temps de la criminalité, là, à un moment donné, là, ça te coûte une fortune à gérer. Mais je me demande si c'était pas une critique sociale, ça. Ouais, avait... non. Peut-être bien, ça sert à rien, là, tu vois bien. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est, à un moment donné, t'as des manifestations anti-brutalité policière. Le crime monte avec la police. Maudit carré rouge avec un truc de guitare. C'est absurde. Fait que là, moi, j'ai trouvé, il y a comme une espèce de cheat là, qui existe par rapport à ça. C'est que tu construis un paquet de petits postes de police. À un moment donné, t'en as un gros qui a une espèce de range plus grand. Fait que là, tu mets lui, tu reconstruis un paquet de petits, tu remets lui. Fait que là, ça te permet de contourner le problème, mais tu vois que c'est au niveau du développement, là, c'est un des petits points faibles. Sinon, c'est un excellent jeu. Moi, je le suggère vraiment à tout le monde, surtout si vous êtes intéressé par les jeux de simulation. C'est sûr que si c'est pas votre genre, vous allez probablement trouver ça un peu plate. Mais tu sais, c'est un des grands jeux vidéo. Ouais. Ouais. T'sais, ouais. Qui existe là, ouais. En tant que simulateur, t'sais, je veux dire, mais t'sais, c'est important d'avoir au moins essayé ça une fois dans sa vie. C'est ça, je trouvais que c'était un super bon point d'entrée pour la simulation, ouais. Qu'on a eu, on a été chanceux si on a joué original, mais t'sais, maintenant les jeux de simulation sont complexes, des fois c'est ouais. Plus lourd. Fait que c'est même si vous voulez donner une chance aux jeux de simulation, c'est une belle porte d'entrée. Hein. Ouais, exact. C'est la beauté dans la simplicité, je trouve. Ouais. D'ailleurs, on parlait tantôt de la gestion de l'eau là, qui est arrivée plus tard. Ben, de ne pas l'avoir, justement, ça amène la simplicité. Donc, tu sais, vous n'avez pas à vous casser la tête avec ça. Puis, ils l'ont à Game On. Hein. Moi, j'ai été particulièrement content de le voir là-bas. Ouais. Quand j'étais à l'expo, je disais, ah ben, tu sais, oui, c'est vrai, tu sais, que c'est un jeu qui est particulièrement. Puis, la musique. Moi, la musique. Ah, écoute, ça, oui. Ouais. Je travaille avec cette musique-là. Oui, souvent, c'est souvent, ça. Je m'amène. Ça relaxe au bout. Là, ouais. Elle est vraiment bonne, la soundtrack. Là. Beau petit jeu zen. En tout cas, moi, je trouve pas ça incontournable. Essayez d'y aller. Là. Donc, j'y donnerais donc une note de 4 sur 5 à ce petit jeu-là. Good. Absolument. Nice. Je pense qu'il m'en reste en stock aussi. D'ailleurs, c'est pas cher. J'ai lu que Will Wright. Il travaille où le jeu est sorti, Thread, ou je sais pas trop quoi, mais il travaille présentement sur quelque chose qui va nous faire réfléchir à notre vie par rapport aux autres. Donc là, c'est plus juste un truc social, c'est nous faire réfléchir par rapport à nous-mêmes. C'est quand même pas pire, le gars, il a une mission quand même. Mais c'est son genre de jeu, je suis pas surpris. T'sais, le gars, il est vraiment réfléchi dans son approche. Je trouve que c'est un gamer intello. Oui. C'est vraiment l'archétype du gamer intello. Puis je pense que d'ailleurs, c'est pas le genre de jeu qui va plaire au gars qui est comme hey, let's go, est-ce que je veux tirer du monde là? Non, non, c'est ça. Non, pas vraiment. Les gars de la mère gamer joueront jamais à ça. Je penserais pas. Non, vraiment pas. Alright, belle première critique. Merci. Bon, ben écoute. Sinon, c'était pause, pas, c'était pas ta première anime. C'est celle que y a déjà fait ça avant. Fait que c'est ça. On s'en va en pause? Oui, monsieur. Pause et on vous revient. On revient dans pas long. All right. I'd buy that for a dollar. Moi aussi. Yes, sir. Bon, alors, on est de retour. C'est l'heure des... Fun Facts! Yeah. Encore une fois cette semaine, des fun facts tirés du livre des records Guinness de Gamer 2015. Puis je suis resté dans le thème, aujourd'hui je suis allé dans les jeux de simulation Sims et tout ça. Ouais. Alors, avant SimCity, il y a eu un jeu qui s'appelait Pinball Construction Set de Bill Budge. Puis, j'ai une petite vidéo à vous montrer ici. C'est le vrai premier jeu de construction, entre guillemets. Là. Ah. C'est sorti en 83 sur PC ça et pas pire. Sur BBC Micro. On va voir une image après ça. Là. Le jeu permettait de construire votre propre machine de pinball, choisissant de mettre les flippers, les bumpers, etc. etc. C'est fantastique, ça. Hey, oui. Tu peux te faire une série de bumpers complet en bas. Oh, ouais, tu peux jamais mourir. Ouais. Tu meurs pas. J'ai vu des exemples de monde que la balle, elle reste pognée en deux bumpers puis ça fait des scores infinis. Là, c'est sûr. Il y a Will Wright, l'homme derrière SimCity et The Sims, a dit que Pinball Construction 7 a vraiment influencé son travail et que ce jeu reste une des fondations pour les jeux de simulation. Nice. Oh. En 2008, je vais appeler ça PCS, a reçu le prix User Generated Content Game Modification au 59e Technology and Engineering Emmy Award. Tabarnak, Colin, c'est bon. Ça, c'est la version BBC Micro qu'on voit en ce moment, la voix dégueulasse à l'écran. Puis en 2011, Bill Budge aussi a reçu le prix du Pioneer Award de l'Académie des sciences et arts interactifs. Oh! Fait qu'un jeu... Un jeu important. C'est pour ceux qui ont eu un écran EGA à l'époque. Hey, boy, tout le monde avait un écran VGA. Ça avait quatre couleurs à jouer avec. Ben, c'était ça, tu sais. Du bleu turquoise, du rose, du noir et du blanc. Amuse-toi. Joue à Test Drive. Accolade all the way. Accolade. Deuxième fun fact, la série Sims, ben pas de Sims, mais de simulation SimCity et les autres, il y a au-dessus de 130 titres dans cette série-là. Hein, quand même. C'est la série de jeux de construction la plus populaire de tous les temps avec au-dessus de 18 millions de copies vendues. Wow. Le titre le plus populaire, selon vous? The Sims. SimCity. On a parlé tantôt. Pas de SimCity. SimCity 2000. Voilà. Et voilà. Qui était vendu à 4,23 millions de copies. Quand même. Avec une pochette aussi laide. Hein? Ouais, c'était vraiment fleur. Oh, c'était dégueulasse. Ouais. C'était un excellent jeu PC, par contre, celui-là. Oui, là. Il avait. Puis la série de simulation la plus populaire de tous les temps sur Nintendo DS, selon vous. Sur Nintendo DS? Ouais. C'est Nintendogs. Et voilà, Nintendogs. Oh, on rit de ça, là, ouais. Mais ça a vendu en tabarnak. Hey, ma fille joue, c'est fantastique. En date du 29 août 2014, le jeu avait des ventes globales de 24,6 millions. Wow. Oui, monsieur. En faisant le jeu numéro 2 des meilleurs vendeurs de la Nintendo DS de tous les temps. Wow. Derrière New Super Mario Bros. Et également le meilleur vendeur des jeux de Sims de tous les temps. Je sais pas si vous avez déjà vu que ça a l'air le gameplay de ça. J'ai des petites images pour vous ici, là. Ah ouais. C'est cute, dégueulasse. Ben, on dirait un vrai chien. Non, oui, mais tout ce que tu fais, là, c'est le flatter, puis donner de la bouffe, puis le flatter. C'est comme les Tamagotchi. C'est pas pour les inconvénients. C'est exactement comme un Tamagotchi, c'est la même chose. Ouais, t'as pas les inconvénients, là. T'as pas à aller promener. Mais il fait rien. Il fait juste se promener. Non, attends une minute. Il y a des concours là-dedans. Tu peux faire un concours de frisbee. Un concours canin, ah ouais. Tu peux faire des concours canins. Oh oui, puis tu gagnes des prix, tu gagnes du cash, puis après ça, tu t'en vas dans... Regardez comment c'est dynamique comme jeu. Ah non, mais tu t'en vas dans un chenil, puis tu t'achètes un autre chien. Un chenil. J'adore ça pour toi. Il était carré. Un chenil. Puis en plus de ça, tu peux l'appeler. C'est un des premiers jeux, moi, auxquels j'ai joué, que t'appelles avec le micro, puis... T'as l'air innocent, mais ça marche. Dans le métro. Ça marche vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, faut pas jouer à ça dans le métro. Mais il peut-tu mourir? C'est ça. Tu peux-tu le tuer? Je sais pas si tu peux le tuer. Non, tu peux jamais le tuer. Dans la minute, il fait juste comme se tanner, puis crisse. Quand t'ouvres la porte, il saute. Il est juste tanné. Depuis tantôt, on lui donne la patte, tu le flattes, puis il mange. C'est pas mal ça. Ouais. C'est ça un vrai chien aussi, je n'ai un. JF, fais attention, parce que ça va peut-être recevoir des emails haineux. La dernière fois que j'ai dit qu'un jeu était pas fait pour tout le monde, là, ça. Surtout que là, je m'attends que comme le plus gros vendeur de la DS. Ouais, c'est ça. Là, ouais, je vais faire attention. En fait, ce que tu vas recevoir, tu vas voir la communauté de Nintendo. 199 emails de femmes, en fait, qui vont tailler. Ou des sacs en feu avec des crottes de chien qui sont sous ma porte. Ça se peut que ça arrive, ça aussi. On en a 24 millions. Ça fait le tour de mes fun facts cette semaine. Excellent. Alors, c'était fantastique. La discussion? Oui, la discussion. Un sujet proposé par Ben lui-même. Oui. Un sujet chaud, hein? Fait que, de quoi tu veux qu'on parle? En fait, je me demandais, c'était quoi le jeu vidéo qui a le plus marqué votre enfance? Wow. On peut-tu en nommer plusieurs? Ouais, je pense qu'on n'aura pas le choix. Ça va être difficile, sinon. Oui, ça serait très difficile. Ben, à toi l'honneur. Ouais. Ben, tu vois, c'est drôle, je pensais à ça, puis j'ai comme... Ça va y aller par console un peu, tu sais. J'ai eu plusieurs consoles, puis j'ai des souvenirs, par exemple, très, très forts de la Atari 2600. Oui. On peut y aller par console, même. Ouais. Commençons à l'Atari, puis on les fait toutes. On va y aller comme ça. Bon. Moi, l'Atari 2600, il y a, mettons, le titre qui m'a vraiment le plus déplu, c'est évidemment E.T., là. Ça s'est réglé. Mais ça, je me souviens d'un jeu, c'est niaiseux, c'est Pac-Man. J'ai tellement joué à Pac-Man. Ah ouais. Mais tu sais, jouer en fou à Pac-Man, là. Moi, j'étais pas capable. Moi, c'était Miss Pac-Man. Ouais, Pac-Man, mais il était meilleur, là, on s'entend. Oh, ouais. Mais moi, j'avais Pac-Man au début. Hey, t'étais courageux. Ouais. J'ai tellement joué. Mais il n'y avait pas le choix. C'est ça. J'avais pas vraiment le choix. Mais j'ai tellement joué que j'avais trouvé, tu sais, quand quelqu'un qui est craqué, puis surtout un jeu, j'avais trouvé un pattern malade où je mourais un tableau sur quatre. Mais ça fait en sorte que tu sais, t'avais une vie par tableau. Ouais. Fait que j'ai fait le tour de Pac-Man. Oh. Mais à un moment donné, c'est juste que le score, il retombe à zéro. Ouais. Là, après ça, j'ai été complètement déçu. J'ai fait ah. Okay. Ah, c'est tu peux dire ça. Là, ça. Quand les jeux Atari ont pas de fin, tu réussis soudainement à en finir un. Mais ouais. Ah, mais là. Là, on a fait bon, ben ok, j'ai fait le tour. Ah, ouais, c'est vraiment poche. Fait que des chiens. Heures passées à Pac-Man, là, ouais. Ouais. C'est vraiment un de mes premiers souvenirs. Moi, c'est Galaxian, l'Atari 2600. Là. C'est, ma grand-mère avait un Atari, puis j'ai starté le gaming avec ça. Puis Galaxian, c'est le premier jeu que j'ai joué, le classique d'arcade. Ouais. Il est bien fait sur l'Atari, quand même, ça joue bien. Puis, bon, j'ai essayé plein d'affaires, là, mais ça, c'était mon premier. Ça. Of all time, mon premier jeu vidéo. Of all time. Toi, Nick, c'était quoi? Ouais, moi, le jeu que j'ai joué le plus, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de bons souvenirs d'Atari 2600, mais celui que j'ai joué le plus, là, c'est Frostbite, en fait. Ah, c'est bon. Ah, oui. On a un high score ici. Ouais, ouais. Parce que ça, là, tu sais, ça me fascinait, là. Puis il y avait déjà des tableaux différents, tu sais, ça devenait plus complexe, tu avais des... des oiseaux, des poissons. Tu ouais. sais. Il y avait une dynamique, le fun. Puis quand tu progressais... Ouais, changer les plaquettes de côté. Exactly. Puis il y avait des plus petites plaquettes. Ouais. Il y avait vraiment une progression dans ce jeu-là. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment un bon replay value. Et je possédais peu de cassettes à l'époque, dont c'est Frostbite, en fait. Et Year's Revenge, qui était bon deuxième. Ah, Year's Revenge. C'est bon, Year's Revenge. C'était bon, Year's Revenge. C'est Frostbite, là, vraiment, que j'ai... Ben, tous les jeux d'Activision, c'était fort. C'était du bon jeu. Moi, c'est sur Atari, c'est sans contredit Berserk. Ouais, parce que c'était bizarre, puis c'était un jeu que j'aimais, puis qu'en même temps m'effrayait. J'avais vraiment peur de ce jeu-là, justement, de la façon que tu mourais, puis ça, c'était freakant. C'était comme le premier. C'était mon premier survival horror, en fait, dans un sens. Parce que justement, t'étais tout le temps stressé de te ouais. faire pogner. Tirer, c'était comme pas le évident. Le bonhomme ouais, sourire. Ouais. Ah oui, il fallait que tu te dépêches. Là, ouais. Ouais. Ouais, c'était pas évident, là, vraiment. Là. Puis sinon, ben justement. Rapidement en dessous, ça serait Defender. Ah, parce ouais. que Defender, ouais, pour moi, excellent. Même aujourd'hui, est encore épique. Il y avait comme un effet de rapidité puis de momentum qu'on retrouve pas dans beaucoup de jeux quand même de cette ère-là. Puis là-dedans, c'était vraiment plus tu tournais à droite, ben plus ça accélérait. Ouais, c'est ça. C'était vraiment cool. Quand tu tirais, ça shotait d'aplomb. Des ouais. gros beams, là. Ça, c'était le fun. Ah, c'était le fun en Moses. Là. Maudit joystick, par contre. Là. Ouais. Hein. Les joysticks de 2600. C'était rough. Ouais, ça marchait pas. C'était pas bon, ça. Dans l'ergonomie, là, c'était ouais. vraiment zéro. Là. Genre, on va lui mettre un cube dans la main. Ouais. On va l'avoir, là. Mais moi, j'ai fini par le coller sur une table. Okay. J'essayais de me créer une arcade chez nous. Ouais, j'avais comme une table de salon. Je m'assoyais en dessous de la table. Je mettais mon joystick là. J'étais comme, j'étais à l'arcade. J'étais pas à l'arcade. Pas en Mais tu sais, tu t'essayes des affaires, ça marche. Mais tu sais, une fois que tu avais passé au travers 2 à 3, je dirais, joystick legit, il y avait le clone. Ouais. Le clone, il y avait déjà les sus en dessous. Ouais, ouais. Juste le foot, tu ouais, t'attends. C'est vrai. Chier, même de fausses manettes. Il y en avait des tas et des tas et des tas. Souvent plus solides aussi. Là, ouais. Ouais, ouais. Mais moins précis. Fait qu'on va passer au NES, j'imagine. Ouais. Ben moi, sinon, moi, j'ai rien, on peut y aller. Ouais, un petit passage par le Coleco ouais, Vision. Ouais, moi aussi j'en ai. Coleco Vision, moi, de Smurf. Ouais, exactement. Ah, écoute. Ça, moi, j'étais next gen, mon gars. Ouais. C'est incroyable. Il y avait des choses à l'écran. Fais des dessins, puis tu te promenais d'un tableau à l'autre. Là. C'était juste tellement beau. Ouais. Tu catchais pas qu'est-ce qui venait de se passer, parce que tu passais de l'Atari. À ça. Puis moi, ben, il l'avait à l'Atari. Hein. Mais ouais. Mais moi, le Coleco, il y a plus de stock à l'écran exact. Tout le temps. Exact. Moi, le gage de qualité, quand j'étais sur Atari, c'était Pitfall. Je me disais, Pitfall, c'est le futur. Ah, ouais. Il y a rien de plus beau que ça. C'est impossible. Là. Sauf que là, c'est ça. Quand j'ai vu Smurf pour la première fois, moi, en fait, c'est ça. Coleco Vision d'un ami avait Smurf et Cabbage Patch Kids. Ça, j'ai ça joué aussi, à ça, fort, d'aplomb. Les deux étaient très forts. Là, ouais, c'est pas mal la même affaire, en fait, en plus. Là, tu fais un niveau, puis l'autre. Mais en moi, un j'avais joué à Spy Hunter dans le temps. Ah ouais. Oh, oui. Je pense que c'était un bon pass, ça. Ouais. Puis, aujourd'hui, il vaut genre 60$ loose. Juste la cassette de Spy Hunter. T'sais, ça vaut rien, jeu de Coleco. Ben, il y en a oui, là, mais la plupart, c'est du stock de fond, du back de. Mais c'est un manette-là. Si vous trouvez un Spy Hunter, achetez immédiatement. Ça aussi, c'est un autre excellent exemple d'ergonomie. La manette, les numéros pis tout là. Intellivision Coleco, tu sais. C'est une maudite idée-là de vouloir tout le temps qu'il y ait un espace de rangement pour mettre les manettes dans ta console. Pour dire aux parents, hey, ça va pas traîner chez vous. C'est ça. Pas le ranger. C'est portable. Moi, dans Coleco Vision, c'était Zaxxon. Ouais, oui, ah, parce que ils ont joué au Zaxxon du Atari, tu sais, 2006. Tu te vois derrière. Ouais. C'est, ça. Là, c'est mané, carrément un autre jeu. T'arrives avec ça, puis tu te dis, oh my God, c'est beau, je vois ce qui se passe. C'était vraiment un très, très bon jeu, en fait. Puis il était semblable à l'arcade, on peut dire. Ouais, c'était fantastique. Ah oui, les ports de Coleco sont très bons, sérieux. Là. Belle j'ai beaucoup aimé Time Pilot, là. C'est je l'ai dans la main ici, puis c'est quasiment la même affaire. Là. C'est vraiment bien fait. Là. Wow! Donc, bravo Coleco, mais les consoles pètent vite en esti. Il y avait un jeu, c'est la console le problème. Je sais pas c'est quoi, mais c'était des courses de Formule 1 en 8 de même. Là. Ah, Super Sprint. C'est Super Sprint. C'est au NES. Mais il l'a au NES, mais en tout cas, il y en avait un jeu sur Coleco Vision même avec des chars, puis je le trouvais bien le fun. Fin de l'anecdote, turbo, j'ai rien de plus à dire. Ben, c'est comme le jeu d'arcade vu de derrière, comme Pole Position. Pole Position. Le vrai. C'est cool ça. Ah, oh, man. Fait que le NES. Oui. Ah. commencer. Ben, on peut tout dire Super Mario. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça, c'est un incontournable. Je pense que ça, c'est la révolution. C'est trop classique, ça. Ça, c'est moi, là, c'était ma vie. Maintenant, avec la console. Quand j'avais un Atari, je me disais, un jour, Atari va être capable de réussir à faire Super Mario Bros. Puis je vais pouvoir jouer parce que j'ai pas de Nintendo. Oh, c'était mon. J'aurais tout donné, man, pour qu'il sorte ce jeu-là sur Atari. Puis que je puisse jouer autant que je voulais. Mais je l'ai tout le temps chez mes amis qui étaient écœurés de me voir. Puis quand j'ai finalement eu un NES, man, j'ai pas dormi là, pendant deux jours. J'ai juste joué à ça à moi tout seul. Là, sans prêter la manette ni rien. Là. Asti, je capotais. J'ai dû brûler ma TV avec ça. Mais la NES, là, moi je dois dire que je fasse une mention spéciale au chandail à GF, là, mais Bubble, là, on l'avait acheté. Oui. Moi et ma soeur, on jouait tout le temps. Puis tu sais, c'était vraiment bon. Ce jeu-là, c'est du platformer pur, excellent. Ah, puis la musique, c'était fantastique. C'était vraiment bon. Puis l'autre, mettons, moi, c'est Super Mario Bros. 3, en fait. Oui. Visuel de ce jeu-là, tu te dis tabarnouche. Puis c'est la musique, l'ambiance, tu vois qu'il y a déjà, mettons, Super Mario Bros., il y avait quelque chose de le fun, là, il y avait vraiment une belle recette. Mais là, ils ont ajouté la couche artistique qui a comme défini ce que Nintendo est maintenant, là, on pourrait dire. Là. Elle a été établie là-dessus, tu sais. C'est vrai. Super Mario Bros. 3, puis c'était comme waouh. Puis moi, je l'ai connu. Au choix de Terrebonne. Oui, hein, merci. Comme Super Mario Bros. 4, parce qu'il nous avait sorti le Lost Level, comme le 3. Là, on jouait à ça. C'est quoi cette merde-là? On mourait, puis tout. Puis là, ils sortent ça comme le 4, mais qui était le 4 au Japon, dans le fond. Je sais pas quoi. En tout cas, ils avaient dit que c'était le 4. On louait ça avec l'adaptateur, puis tu comprenais rien des menus, mais c'était quand même... Ah, c'était fantastique. Ça faisait la job. On arrivait à le comprendre quand même. Ah ouais, mais tu pouvais jouer, puis très, très beau jeu. Quand Toad parlait, tu dis, je comprends rien, mais il m'a donné des ailes. Fait que... Je vais les utiliser. Moi, sinon, j'avais eu avec Mario, j'avais eu RC Pro-Am. Ouais. Oui. Je l'ai brûlé des heures là-dessus, essayer de finir. Je n'ai jamais réussi à le finir. Je suis pas bon, moi, RC Pro-Am. Moi non plus, je n'étais pas particulièrement bon. Je ne suis pas bon dans les jeux de course en général, fait que, mais j'ai vraiment joué. Sinon, Final Fantasy. Ça, moi, ça a été. Ça a été comme. Tu sais, j'avais joué à des jeux de rôle, etc. Mais ça a été vraiment comme une révélation pour moi où là, tu sais, j'ai vu une espèce de nouvelle façon de faire des jeux de rôle puis de voir l'univers des jeux de rôle. Je me suis dit, OK, tu sais, il y a quoi avec ça? Oui. Ben, je suis d'accord avec ça parce que pour tous ceux qui avaient joué à Dragon Warrior, qui était Dragon Quest... Moi, j'y ai joué en 2004 à Dragon Warrior, puis j'ai aimé ça. Mais dans le temps, j'ai fait pas ces RPG. Mais dans le temps, c'était malade. C'est le Nintendo Power. Ouais. Ça venait avec le Nintendo Power. Tout le monde en avait une copie accessible. Mais Final Fantasy, t'avais une équipe. T'étais là, t'avais 4 dude que tu contrôlais. Ça incluait un mage rouge que j'ai pas encore figuré. C'était comme le mal-aimé. Il fait un peu de Il était beau, par exemple. Il était super. Il avait un le chapeau. Le look, ça marchait. Il avait comme une espèce de, de long manteau rouge. Son chapeau avait l'air de mousquetaire. Ouais, c'est vrai. Un chapeau de puritain américain. Puritain. Hashtag puritain. Sinon, Castlevania. Ah, moi, c'est Castlevania 3. Vrai. Ben, pas celui que j'ai eu, mais... Ouais. Moi, j'ai commencé, j'ai reçu à Noël avec mon NES, les Turtles 1, puis Bayou Billy. Fait que là, man, c'était tough, tu sais. Fait que j'étais pas si heureux, là. Ouais, j'avoue. Mais l'autre Noël d'après, là, j'ai eu Castlevania 3, Blaster Master, puis Dr. Mario. Dr. Mario, c'était pas mon call, là. C'était... Ma mère, elle avait tellement aimé ça qu'elle a décidé de l'acheter pour Noël. C'était pour elle, moi, en fait. C'était pour elle. Mais Castlevania 3, moi, ça... C'est un jeu tellement abouti. Ben, je ne vais pas passer une heure là-dessus, j'en ai déjà parlé en masse. Mais tu sais, comme c'est next level. Là. Ouais, c'est Castlevania, mais tellement comme plus vaste, avec plus de stock dedans. Tellement. Puis Blaster Master, si vous avez jamais joué, je vous le recommande parce que c'est un bel Blaster univers. Master, c'est bon, puis c'est vraiment, vraiment cool. Moi, c'est drôle parce que les jeux qui m'ont marqué, c'est pas les meilleurs jeux au monde. C'est même souvent. Moi, c'est Amagon. Ben, en fait, oui, Amagon m'a vraiment marqué, mais c'est ça, Amagon, en fait, c'est ça, c'est une location, puis j'avais pas le choix, fait que j'ai continué à jouer. Comme puis... tellement de jeux, n'est-ce pas? Mais c'est ça, sinon, j'en ai deux bons puis deux très mauvais. Le premier est Super Mario Bros. 3, comme tout le monde, grosse révolution. Sinon, mon cousin avait décidé avec sa NES, lui, il avait Mario Bros, puis il s'est dit « je vais acheter le jeu le plus badass sur Nintendo ». Puis lui, il écoutait du métal, puis il était cool, puis c'était un punk, puis il était badass. Fait que là, je me disais, Krim va vraiment acheter un jeu cool. Il a acheté Trojan. Je l'ai complet dans la boîte avant de ça. J'ai tellement rushé à essayer de passer j'ai les niveaux joué à Trojan. Trojan. Va falloir que je joue à ça. Ouais. Hey, c'est tough, mon gars. Ce jeu-là, il t'aime pas jamais. Là. Il est vraiment... fantastique à Trojan. C'était pas bon, là. Mais c'est un jeu d'arcade, ça, me semble. Oui. Puis c'est difficile. Puis les contrôles sont pas bons. Mais la musique est écœurante. OK. Mais les contrôles sont pas bons. C'est vraiment très, très, très difficile. Fait que ça, ça a été le premier jeu qui m'a marqué parce que j'ai joué, là, mon gars, des heures et des heures à essayer de finir le niveau, à mourir sans arrêt. Puis à un moment donné, mes parents, viens, t'as Bruno, on s'en va. Puis là, on s'en allait, puis that's it. Puis ça finit mon calvaire. Toi, t'as ça terminait. Ouais, c'est ça, je le finissais pas. C'est ça, sinon, The Adventures of Bayou Billy, moi avec, parce que, en fait, j'avais un ami, Jean-François Daunet, qui s'était acheté ce jeu-là, puis on s'était dit, ben, c'est ce jeu-là qu'il faut acheter sur Nintendo, parce que tu regardes en arrière de la pochette, c'est le meilleur jeu au monde, là, c'est impossible. Ah, il y avait des screenshots, il y en avait genre il y avait tous 6 de chaque bord, là. C'était fou. Il y en avait même, là, c'était fou. Puis la pochette était belle, là. Hey, Trojan. La pochette était super belle, ouais, tu sais. Ouais, ça te rappelait Crocodile Dundee, puis Indiana Jones, puis toutes les affaires qu'elle t'aime. Puis là, finalement, c'était de la vraie marde, mais on a quand même poussé la marde là, au panneau, maximum. Là. On est tous tombés dans le panneau, puis j'ai essayé, finalement, ça marchait pas. Mais sinon, le jeu qui m'a le plus marqué, puis que j'ai le plus apprécié sur NES, puis encore aujourd'hui, c'est Roller Games. Ah oui, t'es bon, c'est un gros fan. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Roller Games parce qu'il n'y a rien qui existe dans le genre. Similaire. De similaire, tu sais. Puis j'y rejoue maintenant, puis j'ai autant de fun que j'avais dans le temps. J'ai pas comme j'ai du fun pour un jeu rétro. J'ai du fun, point. Puis je trouve que ça a bien traversé le temps. Mais là, tu sais, on name drop genre comme des rappers du West Coast, là, mais on n'arrête plus. Là, mais... Moi, genre, j'aimerais mentionner le Zelda original. Ouais. Il y avait quelque chose avec ce jeu, puis tu sais, j'étais un peu plus jeune, puis les donjons faisaient peur. Ouais, la t'sais, musique. C'était hein? sombre. Ouais, au début, t'étais à l'extérieur, puis c'était correct. La musique était intimidante en tant que joueur. Mais oui, il y avait du stress, c'était difficile, tu sais. Ouais. Je veux juste faire une petite parenthèse. Ouais. Tu as parlé de Dragon Warrior tantôt. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, dans les donjons, plus que tu descends d'étage dans le donjon, la musique ralentit, man. Quand t'es crissement creux dans le donjon, là, tu sais. Là, tu me rappelais pas. Là, tu pognes un monstre. Là, là, comme c'était un fucking dragon gris, là. Tu sais, les plus gros, là. Fucking slime. Ah, c'était peurant, là. Mais en tout cas, continue. Mais c'était juste ça. Mais le Zelda original, là, tu sais, c'était l'ambiance. Puis, tu sais, la carte de fou, les secrets. Tu sais, comme brûler chaque buisson, là. Parce que. Ah oui, passer genre 6 mois à pas savoir quoi faire. Ouais. Ouais, dans le temps qu'il n'y avait pas Internet. Donner la viande aux gars. Tu n'avais pas accès à soit un Game Pro ou encore le Nintendo Power. Ouais. Il fallait que tu appelles sans à ressources. Ligne. Oui, c'est pour les trucs. Tu étais pas une enfant de Nintendo. Moi, j'ai jamais appelé. Moi, j'ai jamais appelé. Ça peut être cher. Ça peut être 7,95. C'était trop cher. Maintenant, ils auraient chicané. Ça fait arracher la tête. Ah oui, ça marche pas. Je vais juste name-dropper aussi Contra. Oui, ben oui. Parce que j'ai joué à ça en fou. C'est vrai. Non, moi, Contra, j'aime pas. Jeu de merde, ça. Megaman 2, man. Oui. Non, le 2. Parce qu'encore une fois, c'était un jeu que ma grand-mère avait. Je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère, je me rends compte de ça. Je pense que mes parents m'aimaient pas. Puis j'ai joué à Megaman 2, mais tout le temps. C'est la psychothérapie. Ah ouais, c'est ça, c'est en thérapie. Megaman 2, c'est la fin. Quand tu marches, c'est les saisons. Puis là, c'est beau, man. Là, c'est épique. Pour tous les jeux Atari que j'ai finis, là, j'ai une vraie fin. Exact. Enfin, là, c'est quelque chose parce que. T'as raison. Avant, c'était des génériques, mais là, c'est. Non, t'as quelque chose qui se passe. Il y a de l'action. Le c'est casque beau. Qui reste à terre. Oh, ouais, c'est un vrai garçon. Il y a aussi dans cette optique-là Ninja Gaiden aussi, qui était quand même assez impressionnant. Ouais. Les cinématiques, puis tout ça, c'était le premier jeu du genre. Puis le premier jeu à t'envoyer chier sans arrêt. Ah, c'était dur. Quand t'étais sur le bord, puis qu'il y avait le maudit tag qui s'en venait. Puis tu tombais en bas, ce petit oiseau. Fais juste te revirer de bord, man. Ah ouais. Une fraction. Respawn complet, même de toutes les hosties ennemies de la map. Faut jamais que tu te revires. Moi, j'ai un jeu, je dois pas mal être tout seul à aimer ça. C'était Romance of the Three Kingdoms. J'ai jamais joué. Les jeux de Koei, là, de simulation de la Chine. Mais la pochette m'impressionne. Koei, je trouve qu'ils ont. Nobunaga's Ambition. Ouais, dans le genre. Là, ils ont perdu ça. T'sais, avant, ils faisaient ça, des jeux de simulation qui étaient, à mon avis, super bons. Puis là, ils font plus, à ce ils font des jeux à la Destiny Warrior. Ouais, c'est ça. Ça a été un cours pour moi sur l'histoire de la Chine. C'est à partir de là que je me suis intéressé aux arts martiaux, etc. Là, c'est avec ça que j'ai appris à la base. C'est extrêmement complexe. T'sais, c'était text-based, puis c'est dur. Ben oui. Combien de pouvoirs, puis envoyer un émissaire là. Faut que t'aimes le genre en maudit, parce que on parlait de slow gaming, là, ça c'est du slow gaming, mais passer des nuits là, à essayer de conquérir la Chine, là, ça je l'ai fait. Là. Tu vois, c'est ça, c'est le genre de jeu que tu fais. Les gens font comme moi. Il y a un peu de gens qui ont joué, la pochette était intimidante. Ouais, ça, vraiment. Pour moi, en location, je me rappelle d'avoir souvent eu, j'étais comme. Ah, ouais. Quand tu regardais les screenshots en arrière, tu vois juste la carte de la Chine. Là, tu fais, Sinon, Super NES ou. Moi, j'en ai parlé rapidement. Game Boy, un petit peu. Sega Master System aussi. Oh. Sega Master System aussi. Quartet. Alex Kidd. Un petit pro. Alex Kidd, les combats de boss en roche-papier-ciseaux. Là. C'était bien fait. C'était quand même un bon platformer. C'était le fun. Tu pognais la bague. Il y avait des affaires vraiment plaisantes de l'univers du Sega Master System. Puis l'autre, quand on en avait parlé, c'était Aztec Adventure. Qui était comme la version... Je veux toujours l'essayer. C'était la réplique à Zelda de Sega. Ouais. C'était bien différent comme ambiance, mais ça reste au niveau d'une carte, là, où tu as une vue de haut. Là. Puis, mais c'était intéressant parce que tu avais des ennemis qui étaient comme des mercenaires, puis tu leur pitchais du cash, ils devenaient dans ton équipe. Oh. Littéralement, corruption. Tu leur pitchais des poches d'argent. Mais c'était au Mexique, tu sais, fait que c'est de même, c'est ça. Tu payes tes ennemis, tu avais un petit chat, tu avais un petit lapin, puis tu avais un petit chien qui pouvait te suivre. T'sais. Puis là, ils se battaient pour toi. Fait que ça m'avait marqué. Wow. C'est pas quelque chose qui était vraiment fréquent à l'époque. Puis j'ai pas vu même des jeux où tu pitches de l'argent en face à quelqu'un. Puis après ça, tu deviens un de tes collaborateurs. Fait que... Mais sur Sega Master System, moi, il y avait Hang-On que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis j'ai joué pas mal. Puis sinon, il y a Rambo qui a été une déception monumentale, mais que j'ai quand même joué pas mal. Parce que il était beau, le Sega Master System. Les pochettes étaient belles. La machine était jolie, les pochettes. Ouais. Puis j'aimais leur gun, moi. Moi, je l'aimais quand j'étais kid, le gun. Le zapper, il fait clac-clac, tu sais, tu l'as plus en main. L'autre, le phaser, il fait... Il n'y a pas le même feel. Non, mais quand j'étais jeune, je trouvais que justement le gun de Sega avait plus l'air d'un vrai gun que le gun de Nintendo. Mais t'avais moins l'impression de tuer. Il était joli, mais t'avais moins l'impression de tuer avec. T'sais. Quand tu joues avec le gun, ça fait cac, cac, cac. Parce que celui-là, c'est comme. C'était comme un fusil à l'eau. Ouais, c'était un pea shooter. En fait, ces gars, ils étaient fins. Ah oui. Pas faire de mal à personne. Mais malgré leurs annonces. Ouais. Sega does what Nintendo don't. Mais moi, sinon, sur Game Boy, Revenge of the Gator a bercé mon enfance. Puis, c'est un jeu de pinball. C'est très bon, d'ailleurs. C'est un jeu de pinball. Merci, JF. Je l'ai pogné puis j'ai joué récemment. Puis c'est très, très bon. C'est super bon. Je me le cherche. Bon, mais en fait, faut que tu continues, tu sais, parce qu'il y a plusieurs niveaux. C'est un peu comme Mario Pinball. C'est un Mario Pinball plus, on dirait. Il est comme bonifié, là. Oui, oui, vraiment. Mais il ressemble beaucoup, mais il est vraiment meilleur que le Mario Pinball, en tout cas. Ouais, totalement. Je parlais de pinball, honnête. Oui. Puis sinon, sur Game Boy, moi, j'ai énormément joué à tennis. Tennis? Tennis sur Game Boy. Là, le tennis de Nintendo, là, okay. Il était le fun en sacrifice. Puis moi, j'ai joué à Tetris. J'ai plus joué à Tetris là qu'à Tetris au NES. Sérieux, là, j'ai joué en malade. Ben, c'est parce qu'en plus, on avait le câble et tout. Fait que c'était le fun. Ah, j'ai à deux plugger, deux jouer, games. Mais... Oh, ouais, non. Colin, t'as pas eu d'amis. T'étais tout le temps chez ta grand-mère. Qui est hors du CCJVQ? Qui est hors du CCJVQ? J'essaie de me suicider à boisson. Colin. Sinon, au Super Nintendo, moi, j'avais... Final Fantasy 2 m'a introduit au RPG. Puis plus tard, je l'empruntais à quelqu'un, tu sais, puis j'ai joué, man, tous mes bonhommes au 99. Cécile Kane. Dupliquer mes épées pour que Edge puisse juste pitcher des cristals sombres tout le temps. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, comme, j'ai passé genre 5 heures à monter tes niveaux dans le dernier donjon, rien que pour que le monde évolue. C'était fou, là, le temps que je mettais là-dedans. Puis bien sûr, je suis conscient, le Final Fantasy 3, est pas mal plus complet. Ouais, ouais. Mais je l'ai acheté à sa sortie, le 3, puis je le possédais, puis j'ai tout fait, puis j'ai adoré, tu sais, puis c'est un excellent jeu. Mais moi, le 2, dans mon cœur, il est là. Mais ben, l'histoire. La musique, l'histoire. Ouais. Christella qui se suicide, qui se laisse mourir en faisant météo. Palom puis Porom qui se sacrifie. Ah ouais. La blonde à Edouard, man, qui apparaît au-dessus de l'eau, qui est morte, qui a dit lâche pas, man. J'avais envie de brailler. Non, ben, genre. Dark. Non, mais c'est alors, tellement... trop jeune pour moi. C'est tellement malade. Moi aussi, j'ai ce là. Ouais, la musique en... qui accompagne ces scénarios-là, tabarnak, man. J'en ai des frissons, rien qu'en en parler. Il y en a plusieurs qui critiquaient ce jeu-là en disant, tu sais, justement, c'est un des points faibles dans le sens où, tu sais, il y a plusieurs personnages qui rentrent, qui sortent. Mais moi, je trouvais que c'était une force ben, du jeu. Oui. Parce que, c'était plus. C'est parce que ça te faisait chier. Il avait jamais eu, il avait ci, il avait ça. Ouais. Quand t'équipais Kane, ouais. Tu sais. Yes, Kane est revenu. Là, je l'ai équipé en sacrement. Hey, fuck you, je crise mon cap. Non, il s'en va avec toute l'équipe. Oui, c'est vrai. Tout, il est loadé de mitraille, le Steve, il s'en va. Ça vient de te coûter une beurre. Ben là, oui. T'as grindé pendant 4 heures juste pour l'équiper. Ah, il y a le donjon où est-ce que tu butes des portes. Tu sais, les portes, ils foncent vers toi. Tu sais, ce donjon-là. Oui, ils ont des dents. Ils ont des dents. Ils sont super dents pointues. Là, tu finis le donjon, t'es comme « Oh, Chris, on a eu de la misère. » T'arrives devant la sortie, Kane, il dit « Bon, ben, ciao, bye, allez chier. » Il s'en va. Ah, oh, ben, mon tabarnak. Il s'en va avec tout ce que j'ai mis sur toi. T'en attends tellement pas la première fois que tu joues, là, t'es comme « Fuck you! » Là, tu peux faire reset, tourner de la... buter le monstre, puis après ça, déséquiper le game, pour équiper les autres. Ah, non, ça, c'était... Mais c'était hot. Ouais, c'était super. Ça, c'est, moi aussi, c'est l'incontournable. Ouais. Ça a tellement marqué mon expérience de SNES que c'est comme le jeu où j'essayais, c'était comme une référence. Ouais. Oui, mais tu sais, c'est pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas autant d'émotions. Le scénario, il n'est pas aussi bon. Mais encore aujourd'hui, même. Ben, moi, c'est ça qui m'a fait essayer plein de RPG. Mais Chrono Trigger, là, ouais. Pour moi, là, c'est, c'est sûr. Encore là, aujourd'hui, là, je pense, le meilleur jeu de Super Nintendo qu'il y a eu. Là, parce que. T'sais, bien que j'ai adoré Street Fighter, vous savez tous, Super Mario World. Il est dans ma liste Street Fighter 2 ou Super NES. Ouais, c'est un excellent port. J'ai découvert les jeux de combat grâce à ça. Mais Chrono Trigger, tu regardes ça et tu dis, tu sais, l'histoire est folle, elle est malade, le nombre de fins que tu peux avoir, je sais pas combien il y en a, mais une vingtaine quasiment. Là, t'sais. Ah, c'est profond. Puis t'as des choix déchirants à faire. T'sais, genre, bon, qu'est-ce que tu fais avec Magus, man? Il est cool, il est fort. Mais Frog, ça le fait chier si tu prends dans ton équipe. Puis là, t'as des dilemmes de choix de temps. Puis le monde que tu vas juste jouer avec, c'est vraiment. Puis en fonction de qui tu vas faire. Puis tu sais, à un moment donné, ce que j'ai trouvé de vraiment un masterpiece, là, si vous avez jamais joué à Chrono Trigger, s'il vous plaît, enlevez vos écouteurs pour la prochaine minute. Chrono meurt. C'est le héros du jeu, man. Il meurt. Tu sais, le nom s'appelle Chrono Trigger. Il meurt. Ok, il était comme, what the fuck, qu'est-ce que je vais faire? Là, tu continues, puis à un moment donné, ben là, il y a des options pour que peut-être le ramener avec un clone X. Mais juste ça, là, c'est genre, wow, cool. T'as tué ton antagoniste, t'sais, c'est excellent. Mais tu sais, juste au début, dans la foire, quand genre tu prends des décisions, la fille échappe son collier, j'y redonne dessus ou je le garde. Puis après ça, plus tard dans le jeu, tu passes devant un tribunal, puis il te ramène toutes tes décisions d'en face. Moi, j'étais mind blown. Aïe, aïe, le jeu a enregistré toutes mes décisions de cul. Puis là, il me met dans la merde à cause de ça. Moi, je faisais juste niaiser. C'est OK, là, c'est pas des farces. Superbe. Ouais, c'est un très beau titre. Casson Fantastique. Ah, man. J'ai acheté ce jeu-là, le full la price. Musique. Ma mère était fâchée de l'argent que ça coûtait, ce jeu-là, mais tu sais. Il était très abouti, jeu-là. Très, très, très, très bon. Les mécaniques de jeu étaient super bien développées. Ben, le gameplay aussi. Tu sais, juste sauter, puis comme sauter dans l'escalier, au lieu de le monter à partir du bas, tu peux sauter dedans ou dropper de l'escalier, fouetter dans toutes les directions. Le fouet mou, là, comme ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu peux tout faire, là. Puis le sprite était gros, tu sais. On s'était comme pas habitué à ça, mais c'est un titre, là, incroyable. Non, c'est vraiment bon. C'est hallucinant, là. Moi c'est vraiment pas original. Moi, c'est Super Mario World. Vraiment, pas de sens comment il est abouti puis varié, ce jeu-là. Tu sais, comme Super Mario Bros. 3, c'est quelque chose, puis je trouve qu'il est malade. Mais ça, c'est juste... Ça a aucun sens, toutes les améliorations qu'ils ont amenées à ce jeu-là. Puis même quand tu joues maintenant... Je trouve que ça. Je veux tout faire. Je veux tout débloquer. Ouais, exact. Je veux mes 96 étoiles. Là. Juste la map, la façon qu'ils ont bâti la map est invitante. Là, puis t'as le goût d'en découvrir plus sur cette carte-là. Mais la palette des couleurs de ce jeu-là, t'sais, ça, c'est un launch title. Là, petit, c'est ça qui te faisait acheter le. la Super NES à l'époque, là, tu voyais le Bullet Bill géant, tu dis, man, je veux ça. T'sais, c'était la pub qu'ils mettaient dans les magazines. Ah, ouais. C'était tellement beau, puis ça a super bien vieilli. Puis il restait un des plus beaux jeux là, au niveau des couleurs. Man, juste les petits effets là, de brillance là, sur le personnage, la petite casquette. Ça glouait même les cubes, là, les cubes, des fois. C'est ça, il y a un petit blanc. Là, ah oui. Puis la musique, mon gars, la toune de la fin, j'en chante à tous les soirs à mon gars. C'est une de mes meilleures tunes ever, là, Super NES. J'ai trouvé qu'elle rentre. C'est ça, c'est vraiment c'est comme un package parfait. Pour moi, c'est quasiment le meilleur jeu de lancement qu'il y a eu avec une console. Pour moi, parce que j'ai tellement joué, là, puis des heures et des heures, puis à découvrir des affaires tout le temps, puis des secrets, puis tout. Puis sinon, ben c'est A Link to the Past, Zelda. J'ai tellement joué à ça. Ça n'a pas d'allure, là, ce jeu-là. Ouais. Là. Je revenais de l'école, puis je descendais dans le sol, puis j'allais jouer à ça immédiatement. Je finissais mes devoirs, je redescendais, j'allais jouer à ça. C'était ma vie, là. J'étais à l'école, j'y pensais. Musique aussi de ce jeu-là. Là, c'est incroyable. C'était tellement bon. Puis le Dark World, là, le thème qu'ils ont ramené, ils ont recyclé à profusion. Là, je trouvais dans ce temps-là, ils te faisaient... Ils ont comme... C'est comme s'il avait sauté des étapes, en fait, entre la NES puis la Super NES. Parce que quand tu regardes, mettons, Atari puis NES, tu peux faire des parallèles. Mais là, t'étais vraiment... C'était un autre niveau. Là, ouais, t'avais skippé là, une couple d'années. Mieux, là, c'était deux fois mieux. Tu passes de 8 à 16. Ouais. Puis sinon, quick shout-out à Contra 4, qui était... 3. 3. Alien Contra 4 Wars. Sur DS. Ouais, c'est ça. Mais Alien Wars, qui était juste comme pouvoir te tenir au centre avec tes deux guns de chaque côté. C'était assez fantastique. Ça, c'est tous des jeux que j'ai acheté. Castlevania contre Castlevania 4 était tellement cool. Ah non, c'était de la bombe. Actraiser. Ça, je l'ai découvert par après ce jeu-là. J'ai joué l'Actraiser. C'était le mélange simulation avec... C'était parfait. C'était parfait. C'était efficace comme plateforme. Puis la simulation était pas compliquée. Le bout qui me gossait, c'était le saut. Il était comme pesant, on dirait. C'est vrai. Tu disais, il était en armure, mais c'était comme... Il voulait avoir un peu plus de souplesse. Mais il y a eu tellement d'innovations sur le Super Nintendo. Là, ça a été un des systèmes où ils ont pris le plus de risques, je trouve, quand tu regardes les jeux qui sont sortis dessus. C'est incroyable, là, justement, parce que Actraiser, là, ça passerait jamais maintenant un jeu de même. Là. Il ferait comme un non, tu mélanges pas des affaires de même. Ça vendra pas. Tu vendras pas au casual, tu vendras pas au hardcore. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est très tight comme système. Pour la suite, on mélange-tu les consoles? Moi, je pense que on peut mélanger les consoles. Vraiment rapidement, Genesis, en fait. Là. Il y a deux titres que j'ai en tête. Là. Ah, j'en ai moi aussi un petit peu. Moi, le Sonic & Knuckles, en fait, là, ça prenait un Sonic original pour pouvoir profiter au maximum de cette feature de fou-là, là, de pouvoir mettre un autre cartouche. Ça change ton expérience. Ça, c'était révolutionnaire, mais Sonic était déjà une bonne franchise. Mm-hmm. Ça a été un peu le pinacle, là, dans le fond, là, de la série pour moi. Puis, un autre affaire, un espèce de jeu bizarroïde platformer, Bruno. Ghostbusters. Oui, monsieur. Hey, il vaut super cher ce jeu-là aujourd'hui. Ben, il était. Il vaut genre 50-60$. C'était bizarre, ça. Comme... Moi, je l'avais loué, en fait. Puis c'était comme. Il y avait la face à peu près des acteurs. Bubblehead, exactement. Puis leurs armes, des fois, c'était. Tu tirais des petites balles. Puis tu sais, ça avait pas rapport vraiment. T'sais. Tout ça était comme. Si tu regardes, c'est pas un si bon jeu que ça, mais à l'époque, c'était un jeu bizarre. Il est encore bizarre aujourd'hui, mais il était tellement différent. Mais il était beau aussi. Il était très beau, j'ai vraiment aimé ce look. Mais c'était quand même bon, mais tu sais, je veux dire, tu dis, là, ils ont jamais regardé le film, tu sais, puis ils ont fait un jeu de Ghostbusters. Je m'en rappelle encore. Là, pis... C'est vrai que c'était bon, ça. Moi, ça a été Streets of Rage. Ouais. Asti que j'ai joué à ça, man. Chez mon ami. Moi, j'en avais pas. Moi, j'en ai trois. Streets of Rage, beat 'em up de malade, là. Ouais, tu sais, la musique, tout. C'était comme. Moi, je trouvais que c'était meilleur que Final Fight. Final Fight à l'arcade, c'était excellent. Final Fight au Super NES, pas aimé. Ouais. Puis tu m'as même pas joué à deux. Qui manquait Guy. Exact. Entre autres. Puis, fait que Streets of Rage a été une révélation. Le shmup Thunder Force 2, ça m'a introduit au shmup, ça. Mon ami avait ce jeu-là, puis il n'aimait pas son jeu. Puis à un moment donné, j'ai emprunté son Genesis, puis j'ai emprunté ça avec. Puis j'ai beaucoup joué. Ouais. La musique, tout, là, un excellent shmup, je vous le recommande. Puis Shining Force. Ah, ben oui. Quel bon RPG. Ouais, ça, là. C'est la première fois que je jouais à un jeu de tactics. Ouais. Tu sais, que tu déplaces des éléments sur un board, là, puis il s'attaque. Tu sais, t'as un archer, il peut attaquer de loin. Ouais. Le petit nain avec la hache, tu sais, tu le mets proche. C'était super efficace comme jeu. Ah ouais, c'était un excellent jeu. T'as une grosse équipe à gérer. Faut que tu fasses monter le niveau. Tes bonhommes, c'est comme à Final Fantasy, à un moment donné, tu sais, ils montent de classe. Fait que c'était très, très, très complet. Vraiment bon. Deuxième aussi, mais j'ai plus joué au premier. Là. Ah ouais. Mm. Moi, il y a Jurassic Park que j'ai bizarrement vraiment joué beaucoup, beaucoup. Genesis, beaucoup, ça, beaucoup. Ça, ouais, ou Genesis. C'est un excellent jeu. Moi aussi, je vais le mettre dans mes tops, celui-là. C'est vraiment bon. Puis justement, tu pouvais jouer en Raptor. C'est lui qui peut être Raptor ou Dr. Grant. Exact. Grant. T'électrocutes des dinosaures. C'est merveilleux. C'est fantastique. Mais c'était bon, ce jeu-là. Ouais, c'était vraiment bon. C'était un bon performer. Il était bien fait. Ouais. Sinon, ben, Ristar. Ristar, c'est comme un jeu... C'est pas trouvable. J'aimerais ça l'avoir. Mais c'est ça. Je sais pas, moi, il l'avait à mon club vidéo, mais j'ai comme l'impression que ça a été discontinué. Vidéo, ou... Il était fantastique, ce club. Aurais-tu fermé la ville, puis comme faire grossir. Désolé, tout le monde. La ville devient le club vidéo. Tout le monde va être heureux ici pour toujours. Mais tu sais, peut-être juste une parenthèse sur le Genesis. Il y avait un taux de conversion de jeux de film avec une qualité qui était vraiment vrai, impressionnante, hein? Parce que tu sais, Ocean en faisait beaucoup. Ouais, mais tu sais, les jeux Disney sur Genesis. Ben oui, Aladdin. Aladdin. Le Roi Lion. Ouais, le Roi Lion, c'était malade. Puis au niveau de l'animation, c'était très beau. Là, ouais. Ça ressemblait un peu comme du Prince of Persia, là, avec des frames bien dessinés. Ouais, vraiment sharp, ça. Ouais. Non, Genesis, Ben? Genesis, Shining Force. Puis là, j'étais dans ma passe sport, là. Fait que les jeux de football. Madden! NHL. NHL, ça a été sous Genesis, j'ai joué. Ouais, ça a été pas mal, ça. Sinon, après ça, moi, je suis tombé plus dans le PC. Oh! Fait que ça a été... The Incredible Machine? Diablo. OK, OK. Ouais. Diablo, plus récent. Warcraft, tous les jeux Blizzard, là, je les ai dévorés. Un après l'autre. Moi, c'est Warcraft, j'avoue que j'ai passé énormément de temps là-dessus. Yes, boss. Ouais. Yes, my lord. Ouais, c'est ça. Yes, my lord. Ouais. C'était cool, ça, quand même. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et sur ordinateur, ça a été ça, mais j'ai surtout joué à des point and click. Ouais. Comme Full Throttle, c'est mon meilleur jeu sur ordinateur ever à cause du scénario et tout ça. C'était le fun quand LucasArts sortait tous ces jeux-là. Ouais, LucasArts, c'était les bonnes années de LucasArts. Moi, j'ai juste joué à Command & Conquer et Command & Conquer Red Alert. Ouais. C'est les seuls jeux de PC. J'avais pas de PC, mais j'ai joué cool, ça, à ça. Mais c'était cool, il y avait des films dedans. Hey, c'était hot. Hey, quand Kane apparaît, même tu t'envoies chier. Ah ouais. Comme toi, je me parte un team de commando. J'ai pété tes usines. Ah, c'était bon, ça, par exemple. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais, c'était très cool. Sinon, moi, après ça, en fait, il y a eu le PlayStation, l'avenue du PlayStation, puis l'avenue du 64. Comme le 64, pour moi, ça a été pas mal vidange. Ouais. Le PlayStation 1, le jeu auquel j'ai le plus joué, bizarrement, c'est Brave Fencer Musashi. Ouais. Qui était, je cherche ce jeu-là. C'est un RPG de Squaresoft. Puis c'était absolument mon goal parce que ça c'était mon genre de RPG, c'était un action RPG, il était vraiment pas compliqué. T'avais un sabre de 12 pieds de long, ça c'était fantastique. Il y avait un personnage préféré, mes designs de personnages préférés, c'est comme dans Mega Man, ils ont des petits bras, puis des cristis de gros avant-bras, puis des gros pieds. Puis c'était juste cool, c'était écœurant ce jeu-là. Puis PlayStation 1, moi j'ai vraiment eu une tonne de bons souvenirs. Ben avec moi ça. Je mettrais solidement Metal Gear Solid. Ouais. Quand j'ai joué à ça, man, j'étais... Oh, shit. On était ailleurs. Ouais, solidement, mais t'as gagné. On était ailleurs en crise. Mais hein, ça, change tes manettes. C'est une révolution. Psycho Mantis. C'était écœurant. Revolver Ocelot. Mais oui. Tu prenais tes pills pour sniper, pour arrêter de shaker. C'était hot, ça, là. Mais moi, c'est ça, Metal Gear Solid, le premier, j'ai tellement trouvé écœurant, puis après ça, ils ont tout changé. Comme si tu mais moi, joues le 2, au premier. J'ai beaucoup aimé ça. Aussi. Ben moi, c'est parce mais que. Mais le 3, j'ai pas accroché. Du premier au 2, ils ont tellement changé de choses. Comme juste la vue, comment ton personnage est placé, puis tout ça. C'est beaucoup plus difficile, en fait, la manière qu'ils l'ont fait par la suite. Puis j'ai moins embarqué, puis ça a pas marché. Pis sinon, j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits à jouer à Jet Moto 2. Ouais. Ça, j'ai joué vraiment beaucoup à ça, à Twisted Metal, le premier Twisted Metal. J'ai tellement joué pour ça. Christique, c'était bon. Ah. de la violence gratuite. Ah ouais. J'étais dans l'âge où est-ce que j'avais besoin de ça. J'ai besoin de me défouler de moi. Ah, c'était écœurant. Il y avait Demolition Racer aussi que j'ai joué beaucoup. Puis c'était le fun parce que la trame sonore était malade. Puis tu pouvais mettre justement les CD dans ton lecteur CD et écouter la musique. Fait que, ouais, Castlevania Symphony of the Night. Oui, ben oui. Le Metroidvania légendaire. Ça, j'ai joué en fou. Et puis, Tekken 3. Ouais. Ça m'a fait découvrir ce style de fighting-là. Ouais, il était. Puis après ça, ça m'a enchaîné sur Soul Calibur, là, dans les consoles plus récentes. Ouais. Tekken, Soul Calibur, j'aime ce fighting-là. Ouais, beaucoup plus que Mortal Kombat. Les Tekken, moi, sur PlayStation 1, sont vraiment bons. Excellents. Ouais. J'ai beaucoup aimé le Street Fighter Alpha 3, ce qui est un port qui avait rajouté des personnages exclusifs qui sont pas disponibles à l'arcade. Puis le Final Fantasy VII, en fait. Là, ouais, ça, je l'ai pas fait. Tu sais, même ça a ultra mal vieilli. Là, ça, c'est pas un jeu qui a bien vieilli. Là, j'attends le remake parce que je peux pas rejouer à ça. C'était super dans le temps, mais c'est trop laid. Mon œil a de la misère. Puis le dernier titre, en fait, là, Silent Hill, original. Ben oui. Hey boy, tu sais. Tu capotais. Si vous avez déjà joué là, à l'époque, c'était hyper réaliste en plus. Tu sais, moi, je jouais dans le noir parce que je m'étais fait recommander de faire ça. Ouais. Je fermais les lumières chez nous. Puis, t'as vraiment peur. T'sais, puis, l'ambiance de ce jeu-là était excellente. Puis, tu sais, la façon dont ils font le build-up. Le son, la radio à griche. Oh, tu sais qu'il va se passer quelque chose. T'sais. Puis, juste. Les petits bébés si rapide, qui suivent, c'était dégueulasse. L'ambiance de tout ça, les infirmières, tout ça était malsain. Puis, tu sais, tu rencontres du monde, tu sais, puis tu peux jouer très très très longtemps, puis il y a deux fins possibles en fait. Ouais. Puis c'est un, moi j'ai trouvé là, au niveau de l'ambiance, là, c'était parfait ce jeu. Mais jouer avec les ombres puis tout ça aussi beaucoup, puis jouer tout avec les limitations du système, puis ça fonctionnait à merveille. J'avais là. Lu à un moment donné que la bruine dans la ville, c'était vraiment à cause. C'était un loading. Non, mais c'est la limitation technique, tu pouvais pas exactement loader toutes les buildings à l'avance, fait que. La ville était trop grande là, pour. Mais c'est génial parce que ça a créé toute l'atmosphère. Ça a créé l'ambiance, puis même, tu sais, encore aujourd'hui, quand ils font des Silent Hill, ben, ils vont garder une portion de bruine mystère. Là. Ah, c'était cœur, hein? Beau titre. Là. Non, c'était vraiment bon. Puis sinon, moi, justement, un titre de combat un peu obscur, Bloody Roar. Ah ouais, mais ça, c'est. Il y a même eu des suites. Il y a comme un culte hein, là-dessus. Il y a c'est beaucoup, bon, de monde qui aime beaucoup de films. J'ai super accroché, moi, par exemple. Pour vrai, il y a plus de personnes que juste moi qui a aimé ça. Je pensais que j'étais tout seul dans ma gang. Moi, je parlais à des gens, puis il y a du monde qui se rappelle beaucoup. Moi, j'ai pas accroché non plus. Hey, c'était malade. Tu te battais, tu vas te changer en bite. Ouais. Puis tu scrappais le monde. C'était fantastique. Là. C'était bon. Ouais, c'est une belle idée. Quand même. Pouvoir te transformer en loup-garou. Hein. C'était cool en maudit. En animal garou. Ouais, en animal garou. Peu importe l'animal, mais t'étais garou. Chèvre garou étant particulièrement vicieuse. Bien vicieuse. Aïe, aïe. Et puis, ben, c'est ça. Mais sinon, sur 64, quand même, moi, j'ai eu quand même quelques souvenirs agréables. J'ai pas joué tant que ça parce que. J'avais de la misère avec la console, mais sinon, mon meilleur souvenir 64, ça a vraiment été Tetris Fair. Ah oui, tu m'en parles de ça. Que je t'en parle tout le temps. Ah ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est du caca. Mais non, c'était bien. Ça a l'air comme... c'était weird. C'était une sphère, puis tu plaçais tes blocs. Puis je sais pas, j'ai bien aimé ça, moi. Ça, puis Mario Kart. J'ai joué pas mal à Mario Kart sur 64. Ouais, bien. Il était très cool. Mario 64, mais... Tout le reste, j'ai essayé. Tous les T-Rock, les jeux de combat, Mace. Superman. C'était horrible, ça, man. C'était épouvantable. Tous les jeux, là, c'était de la merde. Non, c'était pas bien bon. Le Castlevania, ça a été rough quand même. J'ai essayé de le refaire dernièrement, puis ben, de le faire. Puis j'ai pas réussi à. Tu sais, je me dis, tant qu'à trouver le courage avec ça, je vais faire d'autres choses. Moi, je vois d'autres choses. C'est désagréable. D'accord, ça fait-tu pas mal le tour? Ouais, je pense qu'on était pas mal des adultes après. Ouais, c'est ça, là, au PlayStation 1. Ouais, PlayStation 1, on t'a rendu. On ouais, j'étais en appartement. Ouais. Mais sinon, il y a une affaire qu'on a oubliée, c'est le Game Boy Advance. Parce que le Game Boy Advance, il est sorti juste au moment où il fallait qu'on s'en aille en appart. Ouais. Moi, j'en ai pas moi, eu. Moi, je sortais déjà avec ma blonde dans ce temps-là. C'était-tu? Attends une minute, ça fait... T'es présentement la mère de mes enfants. Ouais. on était des adultes. C'est vieux, là. Ouais, c'est récent dans ma tête. T'avais sûrement un revenu pour être capable de te payer. Là. Ouais. Aïe, aïe. On est vieux. Ça n'a pas d'allure. Désolé, man. Colin. Ben, c'est ça. Fait qu'en conclusion... Ah, En conclusion... La musique de conclusion? Ouais. Voilà. Yes, sir. Hey, shout-out Karate Champ au Commodore 64. Fantastique. Okay, oh my God. Mario Paint au Spy NES aussi. Ouais. Shout-out. Ah le, ouais. Le petit chien et les petits sons bizarres. Ah oui, puis tu sais, le jeu de Conan ou je sais pas trop, là, que tu faisais une motion puis tu tranchais la tête à l'autre personne, je me souviens plus c'était quoi. Barbarian, c'est ça. On a parlé récemment. Je me rappelais pas de ça. Ouais, quand même. C'est le fun, hein? Oubliez pas d'aller sur le rétronouveau.ca parce qu'on fait de la grosse job là-dessus, puis il y a beaucoup de critiques sur le site. Il y a eu beaucoup de critiques récemment, entre autres des très très bons jeux mobiles. On joue pas mal mobile ce temps-ci. Puis c'est ça, des jeux mobiles, des jeux épisodiques qu'on critique, moi et Mario Ramos, entre autres. Moi, je fais Game of Thrones. Mario fait Tales from the Borderlands. Et jusqu'à date, les deux jeux sont vraiment hallucinants. Sérieusement, allez vous procurer ça. Puis, c'est ça, j'aimerais souligner que si vous n'avez pas joué encore à l'épisode, c'est peut-être mieux de ne pas aller voir notre critique parce qu'il y a des spoilers un peu partout. Mario a trouvé le terme pour spoiler en divulgâcheux. Français. Divulgâcheux. Wesh, ça existe ça? Ouais, ouais, exact. J'ai pleuré quand je l'ai vu, mais c'est, ça existe. Bravo Mario et bravo Ben, parce que moi je m'en souvenais même plus. Moi, je veux souligner sur le blog aussi, Matt Bennett a fait la critique d'un jeu NES qui est excellent, qui s'appelle Flying Warriors, qui est la suite de Flying Dragon, un autre jeu NES qui est semi, disons. Puis ce matin... Ouais, ce matin est sorti sa critique de la suite au Super Nintendo qui s'appelle Ultimate Fighter. Oui. Donc, c'est une série que vous ne connaissez peut-être pas, mais le jeu NES en vaut la peine. Le jeu Super NES, un peu moins. Mais allez lire ça, c'est très intéressant. Et, bref, et le unboxing du Coleco Vision Flashback que Simon a fait. Toujours bon. C'est ça, il y a plusieurs critiques qui s'en viennent prochainement. Il y en a tellement que je sais pas comment vous les nommer sérieusement. Suivez le blog. Suivez le blog. Il y a vraiment beaucoup de stock qui sort et l'équipe travaille fort. Le Facebook, le Twitter, c'est la meilleure façon de voir les mises à jour du site, en fait. Ah oui, d'ailleurs, là-dessus, s'il y a encore des gens qui sont seulement abonnés à ma page chroniqueur, j'ai une page Bruno Georget chroniqueur. Cette page-là va fermer bientôt parce que justement, je veux mettre les efforts tous à la même place. Fait que les gens qui sont abonnés à cette page-là, allez vous abonner à la page Facebook de Rétro Nouveau. C'est facile, facebook.com/Rétro Nouveau. Parce que c'est ça, je vais fermer cette page-là. Puis ces fans-là pourront voir mes activités sur la page de Rétro Nouveau. Et on rappelle le Patreon. On est rendu à 55. On était à 55 tantôt. Wow! Moi, je veux remercier les donateurs de une pièce. Je les aime, ceux-là. Chaque pièce fait la différence dans mon portefeuille, pour vrai. Ouais. Toutes les fils, vous voyez, sur la table. Là, tout moi qui paye toutes ça. Des toutes, toutes des pièces qui s'en vont dans mon portefeuille. Là. ça fait du bien, un petit, des petits dons comme ça. Ah là, ouais, vraiment. Merci. Merci à tout le monde qui ont donné à date. Là. C'est vraiment très apprécié. On va pouvoir augmenter la qualité du show avec ça. Yes. Puis en plus de ça, Pierre va pouvoir vous faire un autre poème. Faut garder Pierre en feu. Il y a quand même un cachet donné à Pierre. Là. Il n'est pas donné. Droit d'auteur puis tout ça. Il coûte cher. Il prend 85 cents sur la pièce. Fait que ça en prend beaucoup. Là. Aïe, aïe. Fait que... Ça conclut. Ouais, ça conclut. Ben, moi, juste avant de partir, bon, c'est ça, je voulais amener quelque chose de nouveau. Puis je me disais, il me semble que je vais vous amener un Amiibo. Ici, on pourrait peut-être en parler. Ah, ouais. Ben, tabac!